Alsace. La reprise aujourd'hui du mouvement anti-loi travail, 14e mobilisation nationale à l'appel des syndicats, bien que la loi soit désormais définitivement adoptée. Eux-mêmes avouent que le mouvement sera certainement peu suivi. Lors de la dernière journée, début juillet, seulement 30 000 personnes avaient manifesté. Le cortège parisien partira à 14h de Bastille. Prudence tout de même si vous devez prendre l'avion. 15% des vols annulés à Roissy, Orly et Beauvais. La radicalisation qui semble concerner de plus en plus de jeunes. Un ado de 15 ans a été interpellé dans les Hauts-de-Seine et incarcéré il y a quelques jours. L'individu est soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque djihadiste. Aucune arme n'a été retrouvée chez lui, mais c'est sur la messagerie Telegram qu'il aurait été repéré. Les enquêteurs pensent qu'il était en lien avec l'un des terroristes de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est le 3e adolescent arrêté en quelques jours. Le patron du Cuba Libre et son frère mis en examen pour homicide involontaire. C'est dans leur établissement à Rouen que sont mortes 14 personnes dans un dramatique incendie le 6 août dernier. La question de la sécurité reste la priorité des enquêteurs. Toutes les obligations n'auraient pas été respectées. Les deux hommes ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. Du foot et une bonne soirée pour les clubs français en Ligue des Champions. Lyon a largement dominé le Dynamo Zagreb, 3-0. Succès presque inespéré pour Monaco qui a vaincu Tottenham sur ses terres de Wembley. Score final 2-1. Les Lyonnais et les hommes du Rocher sont premiers de leur groupe. Dans les autres matchs, la Juve et Séville se neutralisent 0-0. Victoire du Real 2-1 contre le Sporting Portugal. Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Mönchengladbach, 4-0. Et puis la première journée ce soir de la Ligue Europa. Les Verts de Saint-Etienne se déplacent sur la pelouse du FSV Mayence 0-5. Coup d'envoi à 19h. Nice reçoit Schalke 0-4 à 21h05. Un match bien sûr à suivre dans la Radio Libre en direct. Merci Rémi pour les infos et les piles 6h du matin. Bah c'est parti, on y va pour le morning. Vous vous réveillez avec le morning de Difool. Et eux, ils se réveillent avec ça. Difool. Romano. Carriole. Cédric. Bon, bah apparemment le réveil de Cédric ne marche pas. 6h-9h. The morning show. Le morning de Difool sur Skyrock. Et oui, vous êtes déjà réveillés, déjà avec nous, déjà 6h01 sur Skyrock. On n'a pas de temps à perdre parce qu'on a plein de choses à faire ce matin. Bonjour toute l'équipe. Bonjour, oui. Bonjour. Salut. Bonjour, bonjour, bonjour Romano et Carriole, on t'a pas entendu. Ah, ça y est. Ah, bonjour Carriole, j'étais très très inquiet. Je me souviens plus comment on disait bonjour. C'est ça. Bonjour. C'est ouais, ça. Voilà, tu l'as très bien fait, tu es très intelligente, bravo Carriole. Bon, n'hésitez pas à lui dire bonjour, tiens, et à nous appeler au 01 53 40 30 20, à nous laisser des messages toute la matinée. Ça fait plaisir de voir que vous êtes en forme et déjà réveillé. 41 759, eh ben déjà réveillé avec nous. Niro qui vient d'arriver, Ben du 59, Dewey, bonjour Dewey. Salut Dewey. Bonjour à Paco, bonjour à Kaline, bonjour à Monsieur Titanium, il y a Jules aussi qui est là, et puis bah, toute l'équipe qui vous attend. Donc, comme je vous l'ai dit, pour une grande matinée avec du gros son. Écoutez, je sais pas si on écoutera Candy Shop ce matin, mais en tout cas, on a prévu un gros, gros, gros classique. Déjà un classique, et pourtant, c'est pas très vieux, c'est Uptown Funk qu'on écoutera. Ah, Bruno Mars. Ça, j'adore ce morceau. Bruno Mars et Mark Ronson. Est-ce que tu pourras nous faire la chorégraphie pour nous dans le studio? Je vous la ferai dans le studio et peut-être même à sur Facebook Live. Facebook Live. Oui, à 6h10 du matin, c'est les meilleurs. Ouais, ouais, ouais. Bon, donc on écoute Mark Ronson, bon, aux alentours de 6h10, là. Ken Jones qui arrive dans un instant. Et puisqu'on parle du rendez-vous de 6h10, à part Mark Ronson, on aura également, eh bien oui, et on en a de la chance, la visite d'une star comme tous les matins. Une star qui va réveiller les familles de France. Un petit indice, tiens, écoutez bien la star qui arrive dans un instant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous l'avez reconnu ? Non. Non ? Ouais. Lui, il s'est reconnu. Ouais. Il est trop fort. Tous les jours, Carriole, elle dit non. Ouais, j'adore. C'est mon petit jeu du matin, je joue. Carriole, et pour l'invité mystère, tu serais pas forte, toi. Non, pas du tout. Écoutez bien. Je m'appelle Gil Grissom. Gil Grissom ? Ah, c'est l'autre. Grissom ? C'est Grissom des experts, mais oui, les experts qui viennent réveiller les familles. C'était le dernier de épisode hier, là. Ouais, justement, on va fêter ça. C'était la fin de la fin. Là. Ah ouais, la fin de la fin, exactement. Les experts qu'on retrouve dans, allez, 5-6 minutes là pour le réveil de star de ce matin. Tout à l'heure à 6h20, on vous offrira votre iPhone 7. L'iPhone 7 est gagné. C'est tous les matins et on jouera bah, justement avec un invité mystère ou une invitée mystère ou une émission mystère. On verra. 6h20 tout à l'heure à découvrir. Et puis les rendez-vous, ne les oubliez pas, les rendez-vous de l'argent tout à l'heure. Ah, les conseils pas chers. Ouais. Et on aura un sondage aussi sur l'argent. 6h40, les conseils pas chers. Et juste avant 7h, un sondage sur l'argent. D'ailleurs, je vous demanderai votre avis tout à l'heure, car vous pouvez donner votre avis à n'importe quel moment de l'émission pour vous dire faire les cons avec nous, également nous dire des trucs très intéressants, comme par exemple bonjour, il pleut. Alors oui, Julie, tu as raison. Si tu es en région parisienne, par exemple, il pleut. Mais il pleut comme vache qui pisse. Il pleut comme ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas plu. Hein. Ouais, bon, ouais. Vous aurez votre météo tout à l'heure. Vous l'avez eu il y a deux minutes avec Rémi. Vous saurez tout pour bien

instant. C'est l'heure d'en retrouver les experts. Alors ça y est, c'est fini les experts. Oui. Ouais, bon, aux États-Unis, c'est vrai, donc c'est fini. Hein. C'est vrai, on est toujours en retard sur les États-Unis. Mais ça y est, c'est terminé. Ouais. Et mais hier, pour fêter ça, ils ont fait une soirée spéciale. Ils en ont passé combien, 4 ou 5 à la suite. C'est tout. En fait, ils avaient fait une élection TF1 sur Internet. Ouais. Les gens devaient voter pour leurs 5 épisodes préférés des experts. Et ils les ont mis. Ils ont mis donc le dernier là, et après les 5 épisodes préférés des téléspectateurs. Mais c'est pas bien. Dans l'ordre. Ah, pas dans l'ordre. C'est ça en fait, t'as Grissom, il a des cheveux blancs au début, à la fin il a des cheveux, ils sont tout noirs, tu te demandes pourquoi. Ouais, c'est ça, t'as la moitié des acteurs qui ont disparu. Oui, oui, bah, t'as les acteurs qui sont plus là. Bizarre. Grissom est là avec nous, c'est les experts. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Oui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Eh oui, c'est Grissom. Tu as vu dans quel état est Cariole, Grissom? Est-ce que vous aviez pris quelque chose d'autre ? Non, jamais. Ecstasy, cristal, LSD. Oui, carrément. Oui, les trois. Ça te réveille le matin, et j'imagine. Et puis du vin, ouais. Du vin. Toujours du vin. Oui, toujours du vin. Bon, Grissom, son boulot ce matin, c'est de réveiller les familles. J'adore mon travail. Ah bah écoute, j'espère bien. Puis j'espère surtout que ça va bien se passer, parce que parfois, tu sais, ça se passe mal. Oh, sans blague. Si, si, si, si. Parfois, les familles sont agressives, parfois. Grissom, c'est le roi de la lampe à sperme. Exactement, oui. On se retrouve dans de sales draps. Ah bah quand il y a du sperme dedans, oui, ah bah, c'est pas très propre. Ça, oui, ça c'est sûr. Grissom et les experts. Bonjour. Bonjour. Salut. Tu es prêt ? Ouais. Ouais. Grissom récupère des matières en tout genre, caca, pipi. Oui, tout. Eh bien, on démarre avec Philippe ou Patrick, comme vous voulez. Patrick, Philippe. Allez, Patrick. Allez, Patrick. Patrick, c'est parti. C'est l'heure du réveil de star à pile 6h10. Tous les matins à 6h10, c'est bien, on se réveille avec une star. Fait flipper la musique. Hein. Ouais, mais c'est les experts, Romano. Ah non, mais d'ailleurs, ça se passe criminel. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Je m'appelle Gil Grissom. Gil Grissom. Gil Grissom de la police scientifique de Las Vegas. Police scientifique de Las Vegas, ouais. T'es un comique, toi ? Je viens vous faire une pédicure. Ben viens me faire une pédicure, ouais, viens. Ça ne va pas ? Et qu'est-ce que tu me casses les couilles, là ? Je vous demanderai de quitter votre veste et de retrousser vos manches. Ouais, ben oui. Pour prélever un demi-litre de votre sang. Ben viens jouer, tu veux me prendre du sang ? Qu'est-ce que... Non, mais t'es complètement taré, toi, t'es débile ou quoi ? Ben, c'est la coutume. C'est la coutume, ouais. Ouais, ben viens, tu vois, ma coutume à moi, ce que ça va être. J'ai une commission rogatoire. Ah, tu me fais rire. T'es... Pauvre imbécile. Moi, je suis un pauvre imbécile, Et puis toi, t'es un pauvre débile, donc... Ça tombe bien. Vous avez un conseil à me donner ? Ben viens, je vais t'en donner, oui. C'est sûr que si tu viens me voir, je vais t'en donner des conseils, tu vas voir. Ouais. On se retrouve dans de sales draps. C'est toi qui vas te retrouver en sales draps. Ouais. Non. Mais viens, garçon, viens. Si t'as des couilles, tu viens. Mais t'en as pas. Mon instinct d'araignée me dit que non. Ah, viens, connard, pourquoi tu m'emmerdes ? Oula. Respirer par les oreilles, c'est plus confortable. C'est ça. Va-t'en, enculé. Voilà. Ah, si je... Par les oreilles. Bon, bah écoutez, hein, c'est la première fois qu'on entend ça. Va te faire enculer par les oreilles. C'est Grissom, donc. Grissom qui va tester une nouvelle expérience. Ouais, et il a une commission rogatoire. Et il a aussi une commission rogatoire. Oui, je disais, Romano. Excusez-moi, je me suis trompé de musique. Avant, c'était Esprit Criminel que je vous ai mis. Oui, c'est. Mais là, c'est bon, c'est la bonne. C'est l'expert. Le LSD, la drogue, vous savez, Grissom. Le cristal, tout ça, ouais. Les experts, vous aimiez bien les experts ? Ouais. Moi, il y a une époque où j'adorais les experts. Après, ça m'a saoulé parce qu'à force de 6 par soir, ça faisait beaucoup. Moi aussi, pareil. Un peu. Et puis, là, ça nous a fait plaisir de le retrouver, Grissom, qui sera peut-être de retour tout à l'heure. Ah bah, on espère bien. Allez, il est 6h13, on se prépare à vous offrir le premier iPhone 7 de la matinée. Histoire de bien se réveiller, le son de Mark Ronson avec Bruno Mars. Et juste après, allez, je vous l'ai dit, un invité mystère pour vous sur Sky. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band by hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot call the police and the firemen. I'm too hot. Hot make a dragon roll to retire, man. I'm too hot. Hot Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot and my band bought up that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Marc Ronson et Bruno Mars dans le morning sur Skyrock. Ça fait du bien pour se réveiller. Pour faire du bien, on est là, hein, vous savez. L'iPhone 7 a gagné. Ça aussi, ça fait du bien. Tentez le coup. Notez bien les numéros 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages. On va vous présenter l'invité mystère. Allez. Tiens, justement, vous aimeriez qui avoir comme invité? Qu'est-ce que vous aimeriez rencontrer? Et je sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez avoir en tête à tête pour manger un petit truc? Moi, j'ai réfléchi. Ce sera Angelina Jolie, mais avant les opérations. Ah bah alors ça fait très longtemps parce que c'est un moment qui s'est fait charcuter la gueule. Ouais. Je retourne dans le passé et je rencontre Angelina Jolie quand elle n'était pas en plastique. Ouais. Parce qu'elle était mignonne, Angelina Jolie. Bah elle est toujours mignonne, mais ouais, elle est un peu maigre. Oui, elle est un peu maigre et puis un peu plastifiée. Un peu. Ça se voit pas trop, je trouve, elle est belle. Oui, mais quand tu regardes. Non, mais elle est osseuse. Oui. Osseuse et plastiqueuse, Angelina. Ouais. Vous aimeriez rencontrer qui, vous alors? Bah, moi, ça y est, il faut que je t'ai rencontré. Oh, merci, oh, Romano, merci. C'est très, très gentil. Oh, j'espère que tu gagneras plein d'argent pour les conseils pas chers. J'espère bien aussi. Et j'espère même qu'on t'appellera pour les 1 500 € dans un quart d'heure. J'ai vu que tu t'étais inscrit au 7-20-20, que t'avais envoyé 1 500. Je compte dessus. J'espère qu'on va te tirer au sort parce que tu es très gentil et très beau. Et je voulais te dire que tu as très beaux cheveux ce matin. Merci, voilà, je suis coiffé, alors. Ouais, ouais, ça se voit, ça se voit. Alors, vous aimeriez rencontrer qui? Moi, je vais être original, Leonardo DiCaprio. Non, mais tous les matins, nous sort Leonardo DiCaprio. Faut lui l'amener un jour, Leonardo DiCaprio. On la fout dans un lit, dans une chambre, non, pendant une heure, et elle nous fait plus chier après. Ouais, ou Robert Pattinson aussi. Robert Pattinson. Ah non, mais lui, il a la gueule toute aplatie. C'est celui qui a la maladie. Oh, oh oui, c'est terrible pour lui. Il est beau, lui. Non, mais lui, il s'est pris à un mur, il a le nez tout aplati. Ah, attends, je sais pas, chacun ses goûts, moi je le trouve beau. Ouais, moi, c'est Eva Mendes, nous dit Hassim, là, sur les SMS. Adam, lui, il aimerait rencontrer Shakira, et il nous dit la base. Bradley Cooper ou Rémi des infos de Skyrock pour Nounette du 42. Rémi, waouh, wow. Tu aimerais rencontrer qui, toi, Rémi? Gillo, Jennifer Lopez. Non, ah, on l'a rencontré. Ah, elle ne veut pas te rencontrer. Je viens de la voir. Elle est venue nous voir. Elle nous l'a dit. Ouais. Sam, qui est à fond sur les réseaux sociaux, si t'as 30 secondes, t'aimerais rencontrer qui? Spider-Man. Alors, je sais que c'est pas possible, mais ça serait Spider-Man. Voilà, Spider-Man. Je te présenterai une araignée qui est sur le balcon. Voilà, ouais. Elle est en train de faire sa toile. Et toi, Karim, t'aimerais rencontrer? Moi, j'aimerais bien voir Drake. Drake. Ouais. C'est vrai qu'on l'a pas encore rencontré, Drake. Non. J'espère qu'il viendra vite nous voir. Hier, moi, j'ai vécu un peu un rêve car.

stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs, sad songs, darling. Oh, I know sad songs, sad songs. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs, sad songs, darling. Oh, I know sad songs, sad songs. Matin, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et oui, le morning qui réveille la France. Bon réveil à vous, si vous voulez vous brancher. On a une grande star à découvrir maintenant. Il était avec nous hier soir dans la Radio Libre. C'est notre invité mystère ce matin. Et on a Damien en direct de Lyon avec nous. Bonjour Damien. Ouais, Difool. Ouais, salut Damien. Salut Damien. Ouais, ouais Damien. Bon, salut. Tu fais quel temps à Lyon ce matin? Parce qu'à Paris, il pleut comme vache qui pisse, comme on dit en Bourgogne. Ah, pareil. La même, il pleut. Il pleut comme vache qui pisse à Lyon aussi. Terrible. Eh bien, il est étanche, l'iPhone 7 qu'on va t'offrir. Il résiste à la pluie. Le prix qui coûte, heureusement qu'il résiste à des trucs déjà. L'iPhone 7 a gagné. Et notre invité mystère, écoutez bien la question que je lui ai posée hier soir. C'était notre surprise. Même moi, j'étais pas au courant. À un moment, on commence l'émission tranquille. Et je vois arriver un grand bonhomme dans le studio. Mmh. Mais un grand, grand bonhomme. Grand. Baraqué, allez, baraqué comme jamais. Baraqué comme jamais. Et je lui ai demandé à un moment pour faire une petite vérification et voir s'il avait le droit de rentrer. Ta radio préférée, c'est Skyrock. Tu viens de gagner 1500 euros. J'ai presque donné la réponse. Je sais pas si vous avez entendu parce que dans le dans le brouhaha ambiant, on n'entendait pas forcément. Mais toi, tu le sais qui c'était, Damien. T'as trouvé. C'est Tony Yoka. Tony Yoka. Eh oui, Tony Yoka, le boxeur. Médaillé d'or avec sa chérie. Aïe, aïe, aïe, Tony, arrête. Je te donnerai tes 1500 euros, t'inquiète pas, Tony. Tony Yoka et un iPhone 7 pour toi, Damien. Bravo, Damien. Oh, yes. Bravo, Damien. Et j'étais super content parce que c'était un des gars que je voulais rencontrer. Il y a eu plein de réponses avec Teddy Riner. Teddy Riner aussi, j'aimerais bien le rencontrer. Mais en étant son pote. Hein. Ah oui, vaut mieux. Ouais. Et ben Tony Yoka écoute Skyrock. Il est venu à Sky hier et il te permet ce matin de gagner ton super iPhone, le tout nouveau. Et il est pour toi, Damien. Bravo, Damien. Ah, c'est génial. C'est fait pour Damien. Merci à toi de te réveiller avec nous. Moi, je me rappelle de Brahim Asloum quand Tony Yoka a gagné au JO. Ça bosse. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Beaucoup de cris surtout. Des cris, mais partout. Tony Yoka est champion olympique. Il l'a fait. Et oui. Il l'a fait. Et oui. Il est le futur. Il est champion olympique. Il s'appelle, retenez bien son nom. Tony Yoka. C'est lui. Tony Yoka. C'est Tony. Champion olympique des super lourds. Tony Yoka, champion olympique des super lourds. Hier soir dans la radio libre, il y a un truc qui m'a fait rigoler, c'est quand il t'a vu Romano. Il ouais. dit un moment il fait. Il était impressionné. Hein. Il fait mais tu es assis depuis tout à l'heure Romano. Non il fait je suis debout. Oh non la honte. Bah oui. Ah, bah oui bah à côté de lui je suis tout petit. Ah bah à côté de lui t'es tout petit, t'as l'air d'un petit asticot Romano. Bah tout le monde a l'air petit à côté de lui en même temps. On va vous mettre les images sur le sur tous les réseaux sociaux de Skyrock, vous allez pouvoir le mater sur le Facebook de Sky, c'est Skyrock FM, sur il est aussi sur Instagram, sur Insta, sur Facebook partout, ouais. Et on l'a mis sur Snap. Sur Snap aussi, Snapchat. Ouais. Il est sur Snapchat, il est partout. Tony Yoka, t'aimerais bien rencontrer qui toi Damien dans ta vie, une star que t'aimerais bien rencontrer? Tony Parker. Ah hein, Tony Parker. Il était dans la région il y a pas longtemps à Lyon. Bah nous on l'a vu nous. Ouais. Oh, une nanana. Ah. Ouais, on l'a vu ouais. Et moi je l'ai mis à l'amende de basket. Ah je me rappelle pas moi ça. Mais si on a fait des tirs. C'est pas lui qui t'a mis à l'amende. J'ai tiré des paniers et tout. Non je suis sûr. C'est comme hier on a fait un combat avec Tony Yoka mais hors antenne. Ouais bah, parce qu'il a pas voulu se faire humilier à l'antenne. Exactement. Bon alors merci Tony d'être passé hier soir dans la radio libre, ça nous a fait plaisir. Elle était aussi dans Planète Rap. Merci Damien, bravo à toi et bonne journée à Lyon. Ah, merci, bonne journée. Salut Damien. Ciao. Salut Damien. Ciao. Et dans une heure, on rejoue, même pas, dans moins d'une heure, à 7h20 tout à l'heure, on jouera à Info au Mytho. Et dans Info au Mytho, on mettra en jeu un iPhone 7. C'est pour vous et c'est sur Skyrock. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Oh, et j'ai reconnu ça, c'est Zao et MHD. Elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloirs au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. Skyrock, la belle Zao et le grand MHD, c'était sur Sky. Dans un instant, Lil Wayne et Wiz Khalifa, un morceau qu'on kiffe bien. Hein. Et Lil Wayne, Wiz Khalifa, c'est pour le tout dernier qu'ils ont sorti ensemble, Sucker for Pain. Ah, yeah. À retrouver du soprano aussi, t'as du soprano dans la roulette tout à l'heure avec des places de concert à choper, des places pour sa tournée Skyrock dans toute la France, mais aussi du son à écouter. On se rend en feu avant 7h du matin. Et Justin Timberlake, le beau Justin, il sera là aussi. Vous êtes là, c'est l'essentiel, ça par contre. Hein. Et j'espère que vous êtes là avec votre téléphone, car dans un instant, on vous offrira 1500€. Hier matin, d'ailleurs, c'est tombé à 6h30, on était chez Kelly et Lindy à Évry. Ouais. Ils ont gagné tous les deux dans leur lit, c'est beau ça. Bravo les amoureux. 1500€, bravo à eux. On salue Kram aussi qui a gagné à Tonens dans la 47. 1500€, le premier rendez-vous avec les 1500€, c'est juste après les infos. Les infos de Rémi, qui ne vont pas nous attendre longtemps, puisque ça y est, on est prêt. On va parler de la bonne soirée des clubs français en Ligue des Champions, mais tout de suite, on va parler de la météo. La météo, eh ben, il n'y a pas du soleil partout aujourd'hui, même de la pluie. Eh oui, retour de la pluie à l'ouest, sur le centre et sur le bassin parisien. Des averses ce matin, là, si vous êtes dans le sud-est des Alpes de Haute-Provence au Var. Partout ailleurs, eh bien, ce sera alternance de nuages et d'éclaircies. Plus aucun département en vigilance orange. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il reste quand même 14 500 foyers privés de courant dans le sud-ouest et le centre. Retour à la normale, normalement, ce matin. La température en baisse aujourd'hui entre 9 et 20 degrés pour ce début de journée. De 17 à 25 dans l'après-midi, 22 en région parisienne, 28 dans dans les Hauts-de-France. Et puis la pollution, c'est plutôt bon. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 à Lille, Nice et Perpignan. Et le poisson l'actu tout de suite, l'actu et le sport sur Skyrock. La reprise aujourd'hui du mouvement anti-loi travail, 14e mobilisation nationale à l'appel des syndicats, bien que la loi soit désormais définitivement adoptée. Eux-mêmes avouent que le mouvement sera certainement très peu suivi. Lors de la dernière journée début juillet, seulement 30 000 personnes avaient manifesté. Le cortège parisien partira à 14h de Bastille. Prudence aussi si vous devez prendre l'avion. 15% des vols seront annulés à Roissy, Orly et Beauvais. Encore une fusillade en plein cœur de Marseille. Deux personnes blessées hier soir dans le deuxième arrondissement de la cité phocéenne. Ce serait la conséquence d'une bagarre selon les enquêteurs qui ne privilégient pas la thèse d'un règlement de compte. L'une des deux victimes est dans un état grave et son pronostic vital est sérieusement engagé. 3 ans de prison ferme requis contre Jérôme Cahuzac. L'ex-ministre du budget est jugé à Paris pour fraude fiscale. Le procureur n'a pas mâché ses mots et parle du procès de la trahison ou encore d'un vol de la nation. C'est désormais l'avocat de Jérôme Cahuzac qui doit plaider aujourd'hui pour ce dernier jour de jugement. Le verdict sera ensuite mis en délibéré. Et on parle sport maintenant. Bonne journée donc pour les clubs français hier. Une petite info transfert et puis l'IGO paralympique aussi. Ouais, et Lyon a largement dominé le Dynamo Zagreb 3-0. Succès presque inespéré pour Monaco qui a vaincu Tottenham sur ses terres à Wembley. Score final 2-1. Les Lyonnais et les hommes du Rocher sont premiers de leur groupe. Dans les autres matchs, la Juve et Séville se neutralisent 0-0. Victoire dans la douleur, mais victoire quand même du Real 2-1 contre le Sporting Portugal. Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Mönchengladbach 4-0. Une bonne nouvelle qui parfois en cache une moins bonne. Situation un peu surréaliste là du côté de Lyon. Tout le monde annonçait hier l'arrivée imminente d'Emmanuel Adebayor. Au final, eh bien, il ne devrait pas être lyonnais. Annonce faite hier par le directeur adjoint de l'OL, Olivier Blanc. Hier, annonce faite tardivement. Alors, on ne sait pas si le Togolais a pris l'avion et qu'il a appris la nouvelle en vol ou alors s'il a eu le temps d'être informé avant d'embarquer. Difficile d'expliquer ce matin ce qui s'est passé. On en saura sûrement plus dans les prochaines heures. Et puis, les JO paralympiques avec deux nouvelles médailles pour la délégation française. Elles sont en bronze. La première pour l'escrimeur Maxime Vallet. Et la deuxième, toute chaude. Là, ça vient d'arriver. Arnaud Assoumani en saut en longueur. Bravo en tout cas à nos athlètes qui en sont désormais à 16 breloques, 4 en or, 3 en argent. 16 breloques. Et 9 en bronze. 16 breloques. Breloques, oui, breloques. Tu parles comme ma grand-mère, c'est un truc de ouf. Mais ça. Non. D'être aussi jeune et de parler comme ça. Breloques. Breloques. Eh bien, chers amis auditeurs de Skyrock, voici la suite du morning et les infos, les informations tout à l'heure à 7h. Là, il est 6h36. Et à 7h, nous aurons la déclaration du général de Gaulle. Oui, merci. Check, check. Dès 6h. C'est le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les conneries à la radio. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Et non, c'est Skyrock à la radio, monsieur. Attention, 1 500 € à vous offrir. J'ai l'enveloppe, on va ouvrir ça dans quelques secondes. Les 1 500 € à choper. Et avant 7h du matin, plein de choses à faire. Et on va découvrir le sondage du jour. Tous les matins, le sondage du morning, aux alentours de 7h moins 5, 7h moins 10. Ce matin, je vais vous faire des propositions, parce qu'on va faire un sondage sur l'argent. Ah, ah, qu'il est heureux. Passionnant. Oui, passionnant. Je vais vous faire des propositions et vous me direz si vous êtes prêt à renoncer à certains trucs pour de l'argent. Ouais. Ah bah il répond oui tout de suite, j'ai même pas fait des propositions. T'es vraiment un gros radin, hein, Mano. Non bah ça dépend, oui, bah tout le monde est prêt à avoir de l'argent. Ouais, est-ce que tu serais prêt pour de l'argent à voir Afida Turner sans culotte à la télé? Ouais bah de toute façon même sans coupe d'autre d'argent on l'a vu donc. Oui, vous avez pas vu ça? Il en a parlé hier soir dans la radio libre. Afida Turner. Vous avez à l'ancienne elle avait fait le loft là. Elle, voilà, c'est ça. Et elle se prenait pour Tina Turner. Un peu. Ouais, bah ouais, c'était ouais, marié avec le fils d'ailleurs. Elle se prenait tellement pour Tina Turner que c'était marié avec son fils. Et bien l'autre elle s'est pointée sans culotte sur sur Energy 12 dans le Mad Mag, une émission exceptionnelle regardée au maximum par 100 000 téléspectateurs, c'est pour vous dire le carton. Hein. Ouais, ouais, ouais, bah, ouais. Le carton total. Hein. En même temps, il fallait tomber dessus. Hein. L'autre, elle s'est pointée et elle était en mini-jupe, elle n'avait pas mis de culotte et à un moment, avec la classe qu'on lui connaît, Berk. Elle se met à écarter les cuisses. Oh. Bah, en fait, elle s'est assise sur l'espèce de bureau là, devant sur les le plateau. Caméras. Ouais. Et là, la meuf a écarté les jambes normales. Écarté les bûches comme ça. Sérieux? Oui, sérieux, ouais. Sérieux. Oh là là. Genre un peu à la Basic Insta Sharon Stone. Quoi. Ah, mais Charles Stone, elle s'est pris un mur. Quoi. Afida Turner, magnifique et très classe. Putain, la putain de Taras. C'est elle, mais oui. C'est elle, la putain de Taras. Je me rappelle plus. Et c'est la meuf de Fuck all the rest, that shit. Voilà ce qu'elle a dit, Rémi, c'est la meuf de Coolio. C'est vrai qu'elle est sortie avec lui aussi. Ouais. C'est vrai qu'elle était sortie avec Coolio à l'époque. Les mecs ont du goût. Hein. Afida Turner. Et à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais elle ne parlait qu'en anglais. Bah oui, parce que c'est l'américaine. Parce qu'elle se prenait pour une américaine. C'est marrant, elle me fait penser à un journaliste de Skyrock. Mais bon, elle était là. One, two, one, two, one, two. Elle est trop forte, celle-ci. Elle est très intelligente. Bah, tout serait. La vidéo est sur le difool.skyrock.com si vous voulez la mater. Ouais. Bon, histoire de de se réveiller. Attention, danger. Hein. Il souhaite se réveiller en pleine forme. Bon, allez, 6h38, on est prêt? Ouais. Oui, on est prêt pour gagner. Oui, on est prêt pour gagner 1500 euros. Il est très ému. Chaque fois que j'ouvre l'enveloppe, ça le rend dingue. C'est terrible. Oui. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1500 euros. Il y a Cathy qui dit « Ah, mais quel sac écrasseuse !» C'est clair. Ouais, t'as pas tort. Ouais. Alors, et Sofiane qui dit « Oui, j'ai vu, mort de rire. » Oui, absolument. Ouais. Salut Sofiane. Bon, je vous dis où est-ce qu'on va aller ce matin. On va aller dans le Loir-et-Cher. Ah merde. Et, non, mais c'est juste un département, Cher. Ouais, mais je crois que ça me fait un truc. Le Loir-et-Cher, à Romorantin. Ce matin, c'est là qu'on va. Et allons, Romorantin, on appelle la famille Brisson. Nadège Brisson, et on a 1500 euros pour elle, si elle répond Skyrock, bien sûr. On souhaite bonne chance à Nadège et à la famille. Et on espère que ça va vous arriver ce matin aussi, les 1500 euros, c'est toutes les demi-heures. C'est bon. Allô, allô. Allô. Bonjour Nadège. Oui. Oui Nadège, tu es Nadège Brisson toi, hein? Oui. Eh bien nous Nadège, c'est la radio, on est en direct à la radio et on t'appelle ce matin pour t'offrir de l'argent. On va te poser une question, Nadège. Je vais te demander quelle est ta radio préférée. Et si t'as la bonne réponse, au joie, au bonheur, tu gagnes 1500 euros. Ah, oh, y a pas ma fille pour répondre, je sais. Ah, là, là. Ah, bah, en plus, ta fille t'a dit oui, attention, si on t'appelle, quand on te demande quelle est ta radio préférée, il faut répondre. Mais comment je peux vous croire que c'est vous? Ah, bah. Croix de bois, croix de fer, si je vends, je m'en vais en enfer. Voilà, oh, c'est ça. Il y a du monde derrière. Bah oui, ah, bah, on est pas. Oui, il n'est pas tout seul, sinon ce serait un peu... Ben non, Romano, si j'étais tout seul, l'émission, elle serait super aussi. Bon. Bon, alors, Nadège, repassons... Ben sinon, demande à ta fille, Nadège, elle n'est pas là? Non, elle est partie. Oh là là, elle est déjà partie. J'ai peur de dire une bêtise. Bah, dis une bêtise, allez, c'est pas grave. Ouais, on essaye. Ah, t'as le droit de dire des bêtises. Nous aussi, on a le droit de dire des bêtises. Oui, on en dit tout le temps, d'ailleurs. Bon, une bêtise, ben, je connais pas toutes les radios, c'est pour ça, moi... Eh ben, il faudrait que tu viennes nous rejoindre le matin. Allez, Nadège, vas-y, lance-toi. Allez, 3, 2, 1... Ça fait hip-hop par Skyrock ou je sais pas quoi, là. Mais dites-donc, c'est pas mal, ça, dites-donc, hip-hop Skyrock. Bon, t'as rajouté des mots, mais... Non, mais, t'as dit Skyrock. On accepte la réponse. Bon, allez, oui, accepté. T'as gagné 1500 euros, Nadège. Bravo, bravo, bravo. Tu vas pouvoir remercier ta fille. Et ah, par contre, il y a un truc qui va pas du tout, Nadège. Hein. Ouais. Eh ben, il faut nous écouter comme ta fille, toi, hein. Ouais, d'accord. Ah bah attends, hip-hop Skyrock, et oh, toute la journée, hein. Du matin au soir, c'est hip-hop Skyrock dans tous les sens, Nadège. Mm-hmm. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Elle est super ta fille, parce que je vous l'avais dit ça le matin. J'avais dit attention, attention, prévenez la famille, on sait jamais. Tu vas partager avec ta fille, Nadège, quand même. Non, bien sûr. Eh, 1500 euros pour toi ce matin, tu vois. D'accord. Elle a quel âge ta fille? Comment elle s'appelle, qu'on lui fasse un petit coucou? 15 ans. Et son prénom? Clémence. Clémence, eh ben Clémence. Je sais pas si elle nous écoute là, si elle est partie, si elle est branchée. Non, elle est dans le car. Elle est dans le car, on peut écouter Sky. Hein. Ouais, on peut écouter, ouais. Ouais, et si elle écoute, elle doit se dire, putain, ma maman. Elle a assuré, elle est trop forte. Elle est vraiment super. Tu es une super maman, Nadège. D'accord, merci. Et t'as une super Clémence surtout, hein, quand même. Hein. Ouais. Bravo, Nadège, on t'envoie le chèque de 1500 euros à la maison. Donc attention, je vais vérifier si tu partages bien avec ta fille. Hein. Ouais, d'accord. On prendra des nouvelles. Et ouais. Et viens nous rejoindre toi aussi. Bravo, Nadège, 1500 euros qui viennent de tomber. Ça fait deux jours que ça tombe à 6h30. Il faut se lever tôt sur Skyrock. Hein. C'est bah, vrai, oui. Eh oui, t'as vu ça. Bon, bouge pas, bisous. Et on prend tes coordonnées. Le chèque arrive dans la semaine. D'accord, merci. C'est promis, bisous Nadège. Salut Nadège. Ciao. Et voilà, le 41, le Loir est cher et même très cher. Ça nous aura coûté 1500 euros cette histoire. Ouais, hein. Bravo Nadège. Allez, dans une demi-heure, on recommence. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Ah, j'y crois même pas là, j'y crois même pas. Réveil. Sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. And pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. 10 toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I told you, you take my hand through the flame. I told you, you, I'm a slave to your games. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you. devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Lil Wayne, le grand Lil Wayne. On espère qu'il va mieux, Lil Wayne. On n'a pas de nouvelles encore sur Lil Wayne. Non. Lil Wayne qui a arrêté sa carrière et qui a fait ce dernier morceau là avec le grand Wiz Khalifa. C'était Sucker for Pain. Gros morceau sur Sky à 6h45. Et bien à 6h45, on va se lancer tout de suite dans le monde merveilleux de l'argent, le monde merveilleux de Romano. Ouais, c'est ça. Les conseils pas chers. Ouais, les conseils pas chers. Allez, c'est parti. Apple a vendu 1 milliard d'iPhone. Romano, lui, il a déjà carotté les gens 1 milliard de fois. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Ah ouais, je sais bien combien de carottes t'as fait dans ta vie, mais tu dois pas en être loin en fait. Hein. Ah, j'adore les carottes. Ouais, je sais. Alors attention, ce matin, oui. Une nouvelle activité, un truc qui vient d'Inde. Parce que des fois, il faut développer des concepts qui viennent de l'étranger. Un concept nouveau pour passer un bon week-end, par exemple. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous dirait de passer une journée en prison? Non, pas vraiment, mais bon. Eh ben, c'est ce que vous pouvez faire en Inde pour 500 roupies indiennes. Mais moi, j'ai une idée pour passer une journée en prison, même gratuit. Hein. Oh, tu fais une connerie, tu roules en sens inverse, les keufs t'arrêtent, tu leur dis, hey, vous faites enculer, tiens. Là, tu vas passer une petite journée au moins en garde à vue. Ouais. Alors là, ça coûte 6,60€ en Inde. Ouais. Et donc tu te lèves à 5h du matin, tu fais le ménage, une petite promenade, tu goûtes à la nourriture servie aux détenus. Oui. Et à 18h, tout le monde dans sa cellule et tu restes enfermé jusqu'au lendemain matin. Et il y a des gens qui payent en Inde pour aller en prison. Ouais. Ah ouais. Mais il y a un truc aussi qui existe en Chine, c'est que tu peux passer une journée dans un cercueil. C'est pas mal ça aussi. Mais non, mais tu te prépares au moins. Mais c'est vrai en plus, c'est la raison. Non, mais je sais, même l'Inde, c'est vrai, tout est vrai, Cariol. Tu te dis parfois, il y a des gens, ils sont chelous, ils inventent des trucs bizarres. Non, mais tu sais, dans le cercueil, le pire, c'est que tu fais venir ta famille et genre, ils vivent avant l'heure ton enterrement. Oh, mais c'est magnifique ça. C'est pour se préparer. Je vais proposer tout ça à tous mes amis et à toute ma famille. Je pense que ça va leur faire un super plaisir. Allez! Regardez, je vais passer le week-end dans le cercueil, vous venez me saluer les gens. Les gens ils kiffent. Les gens, les gens sont complètement fous. Les cercueils ils sont alignés, tu te mets dans un, ils t'aident à monter dedans, t'as un petit escalier et tout. Et à côté, t'as Gérard qui fait la même chose avec sa famille. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est sympa. Ça permet de rencontrer du monde. C'est des rencontres sympas, une ambiance sympa. Donc ce matin, je vais proposer aux familles soit une petite journée en prison, soit une journée dans le cercueil. Oh, c'est comme tu veux. C'est au choix, c'est les activités un peu de l'extrême. Oui, c'est ça. Activités de l'extrême ce matin dans les conseils pas chers. Ouais. C'est parti. Pour moi, ça change, c'est un truc original, quoi. Un trait. Ouais. Faut aller en Inde. Ça coûte pas cher, tu vas me dire. 6,60€ pour la journée, ça va. Ouais, franchement, tu trouveras pas d'hôtel moins cher. C'est vrai. Allô? Oui, bonjour. Jean-Louis. C'est Jean-Louis? Bonjour, oui. Oui, bonjour Jean-Louis, je t'entends mal dans le téléphone. Bah, moi, je t'entends bien, moi. Ah, tu m'entends bien, parfait. Non, c'est la voix, Romain. Bon, d'Ivoire. Le téléphone marche très bien. Excuse-moi de te déranger, c'est Monsieur Lapin, c'est l'appareil. Je suis gardien pénitentiaire. Et je voulais te proposer de passer 24 heures en prison. Oui. Est-ce que ça te dirait? Oui, mais attendez, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est une activité pour le week-end. Si tu sais pas quoi foutre ce week-end, on a un petit truc. Une journée en prison, même un week-end en prison, d'ailleurs. Ouais, je te propose un week-end en prison ou un week-end dans un cercueil. Tu préfères quoi? Non, le cercueil, c'était trop. Ah ouais. Le cercueil. ça l'a achevé. Ça, oui, ça a bassé. C'est le cas. Là, bah, c'est voilà. Le cas de le dire, là. Tu l'as achevé, Romano. Jean-Louis, ah non, Jean-Louis est parti. Non, Jean-Louis est parti. Non, je te dis, c'est chez Pascal. Peut-être resté sur la prison. Ouais, je pense aussi. 6,60€, pas cher. Le plus cher, c'est le voyage. Voilà en Inde. Non, non, mais moi, c'est le plus cher. Ah. Allô? Oui. Pascal? Oui, c'est qui, s'il vous plaît? Oui, c'est Monsieur Lapin, c'est l'appareil. Activité de l'extrême.com. Je voulais te proposer une super activité pour le week-end. Est-ce que ça te dirait de passer 24 heures dans une prison? Oui, et ta connerie? Et ou sinon, j'ai 24 heures dans un cercueil, au choix. Ouais, et puis moi, j'ai 24 heures dans ton cul, puis dans ta gueule. Ah, ça peut être intéressant également. Est-ce que je peux venir passer les 24 heures dès ce matin chez toi? Oui. Parce que je peux être là dans 10 minutes, un quart d'heure. Comme ça, moi, je te prépare psychologiquement à aller en prison et dans ton cercueil après. Ouais. Le tout, écoute bien, attention. Le tout pour la modique somme de 500€ les deux. Seulement. Offre exceptionnelle. Exceptionnelle, pas cher. À saisir d'urgence. Pascal. Oui. J'arrive. Bah, quand tu veux. Ah bah voilà, je viens te chercher. C'est gentil, Pascal. Surtout, tu prépares les 500 balles, hein. Que j'ai pas pour rien. Ouais, et Romano prépare son trou de balle, lui. Oh non. Voilà. Bah, si. Voilà. Bah, oui. Mon trou du cul, ça trouve tout prêt. Tout prêt. Tiens, je te le fais écouter. Hop là. Oh, t'es mignon. Eh bien, écoute, on te souhaite une bonne journée. À tout de suite, Pascal. Salut, Pascal. D'accord. Bisous. D'accord. Bisous. Allez. Prépare tes petites affaires pour la prison du cercueil. Hein. Il avait l'air content. D'accord. Très content. Non, mais écoutez, moi, je trouvais ça un peu spécial quand même comme week-end. Mais ça plaît. Ouais. Ça plaît, on a testé. Et en Inde, le truc fait un carton. Hein. Vous imaginez pas le carton que ça fait là. Ah, ben c'est le buzz du moment. Voilà. Carton total. Ouais. On salue nos amis indiens. Oui. Big up à vous. C'est pour dire bonjour aux Indiens. Oui. Bon, je vais faire la danse de la pluie et dans un instant, je reviens dans moins d'une minute, même avec l'horoscope de l'amour et notre sondage du jour. À quoi seriez-vous prêt à renoncer pour de l'argent? On a interrogé les Français et vous aurez la réponse. Sondage du jour à découvrir dans 5 minutes sur Skyrock. Et puis du son, Justin Timberlake, il arrive pour Can't Stop the Feeling. Léna va tester à l'aveugle des biscuits palmiers. Les palmiers Lu à 1,36€ le lot de 2 fois 100 grammes, puis les palmiers Lidl à 79 centimes le lot de 2 fois 100 grammes. Léna? J'aime. Et? J'aime. De même, j'aime. Oui? Mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscuits Lu Palmito non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Lu Palmito, 6,78€ le kilo. Palmier Lidl, 3,95€ le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby. Portes ouvertes ce week-end avec nouvelle Mégane. Son loyer à partir de 199€ par mois et encore plus fort, une reprise Argus plus 3500€. French Touch touche française. Offre pour nouvelle Mégane Life Energy TCE 100 LLD sur 49 mois, 40 000 km max. Premier loyer de 1 800€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Et c'est parti pour l'horoscope de l'amour, l'horoscope de ce jeudi 15 septembre. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Voici nos puissances amoureuses, on découvre ça ensemble comme tous les matins sur Skyrock. Puissance amoureuse à zéro, pour qui? Pour les béliers et les taureaux aujourd'hui. C'est votre sale caractère qui pourrait refaire surface en cette journée. Faites un petit effort de diplomatie et ça ira mieux. Bon. Ouais. 1 sur 5, les scorpions et les gémeaux, vous aurez tendance à vous prendre la tête pour des conneries. Restez zen, tranquille. 2 sur 5, les sagittaires et les vierges, ne vous forcez pas. Faites uniquement ce que vous sentez aujourd'hui. Bah, comme d'habitude, Cariole. Oui, c'est vrai, pareil. Oui, 3 sur 5, les verseaux et les poissons, votre bonne humeur sera contagieuse aujourd'hui et ça c'est un bon moyen pour serrer ou pour faire plaisir à votre chérie. 4 sur 5, les magnifiques et très beaux et séduisants et musclés capricornes. Comme toi, Difoule. Et les cancers aussi. Bon, on a 4, c'est bien hein, pour les célibataires. Facile pour convaincre aujourd'hui si vous avez quelqu'un en vue. Et si vous êtes en couple, vous saurez trouver les mots qui iront droit au cœur de votre chérie. Et 5 sur 5, les balances et les lions, vous brillez aujourd'hui comme le soleil qui brillera pas partout, mais vous brillez. Votre charme fera mouche à pratiquement tous les coups. Balance lion. 5 sur 5, belle journée. C'est vous les meilleurs, même très bien. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt à renoncer au sexe pendant un an pour 1 million d'euros? La réponse dans un instant. Oui, Romano, tu pourras répondre à la question. Non, mais je ne t'excite pas derrière ton micro. Et je n'en peux plus. Tous les sens. On va parler de ce que les Français seraient prêts à oublier, les trucs auxquels ils seraient prêts à renoncer pour de l'argent. On sait tout après Justin Timberlake sur Skyrock. Et je vous l'avais promis, il est là. Justin, dans le morning. Et puis vos 1 500€ dans 10 minutes. Ouais. Allez. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Skyrock. Allez, on va faire le sondage du jour. D'ailleurs, on va faire aussi un sondage express. Le sondage du jour, c'est la question qui a été posée aux Français. Je vous donne la réponse dans un instant. Et le sondage express, je vais vous poser la même question. En gros, seriez-vous prêt à renoncer au sexe pendant un an pour 1 million d'euros? Dites-nous franchement au 41759 et sur la piste Skyrock ce que vous en pensez. Et on va voir ce qu'ils en pensent dans l'équipe, parce que vous êtes très intéressés par un cas particulier, un cas psychiatrique, on peut le dire. Ton cas à toi, Romano. Bah attends, il est à la fois addict au sexe et addict à l'argent, et vous vous dites tous, mais qu'est-ce qu'il va répondre? Moi, je sais, je pense. Ah, je sais pas, mais on va voir ça dans un instant. C'est l'heure du sondage du jour. Déçu. Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Alors, est-ce que vous seriez prêt à renoncer au sexe pour 1 million d'euros? Eh bien, les Français ont répondu à 39%. Oui. Oui, mais j'en fais partie. Tu serais prêt à renoncer au sexe pour 1 million d'euros? Ça dépend. Non, bah moi aussi. Sans pitié. Ouais. La masturbation, ça compte ou pas? De quoi? La masturbation? Ah, je sais pas, c'est pas écrit, dis donc. Non, bah non, c'est pas faire l'amour, ça. 39% des Français et 100% de l'équipe, vous êtes complètement malade. Pas toi. 1 million d'euros, Non, je ne renoncerai pas au sexe parce que je ferai tellement de déçus. Ah, bah bien sûr. Et oui, que ça me ferait de la peine, donc je prendrai pas les 1 million. Ah, bah je prends les 1 million, moi. Ah, pas de sexe pendant un an? Moi je me masturbe. Dites-nous, vous, tiens, allez-y, 41759, skyrock.fm, et on va voir ce que vous en pensez. Vous renoncez au sexe pour 1 million d'euros, comme 39% des Français, ou pas? Allez-y. Est-ce que vous seriez prêt à renoncer à votre permis de conduire pour devenir millionnaire? Mais à vie. Bah oui, après t'as un chauffeur. Bah ouais, bah pareil. Moi, là aussi, je suis d'accord. Moi, je renonce à vie à mon permis de conduire. Eh bien, la question a été posée. Et 35% des Français renonceraient à leur permis de conduire pour devenir millionnaire. Seulement 35%. Putain, c'est tout, hein? Bah ouais, c'est chelou. Ouais, surprenant. Tu prends un chauffeur. Et est-ce que vous seriez prêt à mourir 3 années plus tôt pour 1 million d'euros? C'est léger, 1 million. Ouais, là il y a. En même temps, ça dépend si tu veux jusqu'à 85 ans, 82, ça va. Hein. Ça, le problème, c'est que tu le sais pas avant, Rémi. Ouais, c'est un peu le problème. Ouais, allez, moi, je dis oui. Et là, Romano, il meurt tout de suite parce qu'il devait mourir dans 3 ans et bam. Et il profite jamais de son argent. Seuls 7% des Français imaginent perdre 3 années de leur vie pour ça. Eh, ouais. Ouais, mais 3 ans, bon, c'est pas... 3 ans, c'est déjà pas mal. Hein. Bah non, on peut en faire des choses en 3 ans. Moi, je dis qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie, que l'amour et que le sexe. Donc moi... Non, mais ça dépend si tu viens très vieux, tu vois, mourir à 100 ans ou à 97, bon. Oui, c'est vrai. Vu comme ça, oui. Vu comme ça, oui. Bon, c'est clair, oui, si tu meurs jeune, ça fait chier, quoi. Ça fait chier, oui. Mais bon, si tu deviens très vieux... ouais, moi, je renonce. Moi, j'ai non. Je laisse les 1 million d'euros et... Moi, je les prends, moi. Voilà, Romano voilà, les prend. Bon, je mourrai deux fois. Bon, dans un instant sur Skyrock, on a le son de... Maintenant, on a les infos à retrouver, tiens. Les infos qui arrivent dans 2 minutes, préparez-vous, il vaut 1500 euros. Et puis du son pour se réveiller, du Pitbull, du Florida, du Beyoncé, du Sean Paul et plein d'autres choses. On aura aussi Soprano à écouter tout à l'heure. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors ? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantages cartes sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Je suis la remise exceptionnelle de 20% de chez Castorama. Oui, moins 20%. Et ce week-end, j'ai décidé de me poser sur tous les luminaires et tous les carrelages. Et on va embellir votre maison. Oui. Alors rendez-vous chez Castorama demain et jusqu'à dimanche pour profiter de 20% de remise sur tous les luminaires intérieurs et extérieurs et tous les carrelages sol et mur intérieurs et extérieurs. Vite, lancez-vous. Hors ampoule, interrupteur, accessoires et colle, hors commande et promotion en cours, voire conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le Saint-Félicien Tradition. Un fromage. Du 14 au 16 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le Saint-Félicien de 180 grammes, 27% de matière grasse au lait de vache thermisé et fabriqué en France à 1,85€, soit 10,28€ le kilo. Un Saint-Félicien comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Il est 7h sur Skyrock, bonne journée à vous, bon jeudi et puis bonne chance, hein, 1500 euros à gagner dans un instant. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et on va vous donner les résultats de notre sondage express qu'on a fait il y a un instant. Tous les matins, un sondage du jour vers moins 10 de 7h. Et on vous a demandé, vous seriez prêt à renoncer au sexe pendant un an pour 1 million d'euros. Et vous êtes, alors attention, accrochez-vous, 72% à dire oui. Heureusement qu'il y a des filles comme Delphine qui nous a laissé un message et qui nous dit qu'elle ne renoncerait jamais à son petit plaisir. C'est bien Delphine, bravo Delphine. Par contre, il y en a quand même 72%. 72% ouais. Précisément qui seraient prêts à renoncer au sexe pendant un an pour 1 million d'euros. Et dans l'équipe, ouais. C'est 100% de l'équipe. Ça vaut le coup quand même. Hein. Bah, ça vaut le coup. Moi, j'arrête 2 ans même, nous dit l'inconnu là sur SMS. 1 million, c'est pas rien. Ouais, ouais, ça va être chaud, mais ça se loupe pas. Je les prends, nous dit Claudia. Je renonce au sexe, nous dit Caro. Vous êtes plein. Moi, je suis même prêt à me couper le sexe pour AV Luminois. Bon. Ouais, non, t'es pas pour 1 million. Non. Bon, on vous demande pas de renoncer au sexe hein, pour les 1500 euros. Il suffit de répondre Skyrock, c'est ce qu'on va vous offrir dans un instant. Et alors, merci la maman de Clémence qui a gagné il y a une demi-heure, c'est Nadège. Oui. Nadège qui a bien retenu ce que lui a dit Clémence. Il faut répondre Skyrock quand on vous appelle. Ouais. Eh bien, bien joué, elle a gagné à Romorantin. Bravo. Encore un chèque de 1500 euros qui tombe bientôt. Et puis encore un chèque à gagner dans un instant. On se prépare pour le réveil de star aujourd'hui. C'est les experts dans le réveil de star. C'est Grissom. Et le chef des experts Las Vegas. Grissom, pour fêter la fin des experts. Ouais. Les experts réveillent la France. Alléluia. Et à 7h. Qu'est-ce qu'il y a, Rémi? Non, mais ça fait 25 ans qu'on voit ça tout le temps, elle a marre. De quoi tu parles? Les experts. Des experts. Mais, tu sais, quand il y a un truc à la télé, t'es pas obligé de regarder et d'en dégoûter les autres. Hein. Bah oui, je sais. Mais non, mais puis, dès que tu mets la une, il y a et ça. Et puis, quoi. C'est pas la rubrique coup de gueule. T'es pris pour Gilles Verdez. Non, mais c'est ça le mec qui pousse au coup de gueule. Hein. Il y a 25 ans qu'on le voit à la télé, tu te prends pour Inora Malagré. Le mec, il a craqué. Il y a tellement de super séries, quoi. Bah oui, mais bon, tu regardes. Laisse les gens regarder ce qu'ils veulent aussi. Ah ouais, tranquille. tranquille. Non, en même temps, ça marche. Hein. Ouais. Bah oui, ils ont fait même une soirée spéciale sur TF1 hier. Là. Ouais. Bon, on a votre iPhone 7 à gagner tout à l'heure avec Info Mytho. C'est à 7h20 et tout de suite à 7h02 les infos et la météo pour aujourd'hui. Et retour de la pluie par l'ouest sur le centre et sur le bassin parisien. Des averses ce matin si vous êtes dans le sud-est, là, des Alpes de Haute-Provence jusqu'au Var. Partout ailleurs, eh bien, ce sera alternance de nuages et d'éclaircies avec peut-être des averses localisées par endroits. En tout cas, plus aucun département en alerte orange pour les orages. Il reste tout de même 14 500 foyers privés de courant dans le sud-ouest et dans le centre. Retour à la normale prévue ce matin. Les températures en baisse aujourd'hui, largement en baisse même, hein, entre 9 et 20 degrés pour ce début de journée, de 17 à 25 dans l'après-midi, 22 en région parisienne et 28 tout de même dans les Hauts-de-France. Et puis la pollution, c'est plutôt bon. Les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 à Lille, Nice et Perpignan. Et le point sur l'actu, l'actu et le sport sur Skyrock. La ville de Belfort qui lance une motion pour le maintien de l'activité d'Alstom, fait politique plutôt rare dans une commune et votée à l'unanimité par le conseil municipal. La ville demande donc aux constructeurs, avec le soutien de tous les syndicats, de ne pas arrêter sa production. Dans le même temps, les voix s'élèvent pour accuser le gouvernement de négligence. Un gouvernement qui aurait été à plusieurs reprises informé de la situation et qui n'aurait pas bougé le petit doigt. Une manifestation est prévue aujourd'hui à Belfort et une grève aura lieu le 27 septembre. Les négociations se poursuivent avec la direction d'Alstom. 400 salariés risquent d'être contraints d'aller travailler en Alsace. La radicalisation qui semble concerner de plus en plus de jeunes. Un ado de 15 ans a été interpellé dans les Hauts-de-Seine et incarcéré il y a quelques jours. L'individu est soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque djihadiste. Aucune arme n'a été retrouvée chez lui, mais c'est sur la messagerie Telegram qu'il aurait été repéré. Les enquêteurs pensent qu'il était en lien avec l'un des terroristes de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est le troisième ado arrêté en quelques jours. Encore une victime de la guerre des cités à Corbeil-Essonne en région parisienne. Cela fait plusieurs années que deux quartiers se rendent coup pour coup malgré les actions des associations et des pouvoirs publics. Un jeune homme de 19 ans a été atteint d'une balle en pleine tête. Il est en état de mort cérébrale. Les rumeurs qui s'accentuent autour d'Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, reprendra sa campagne aujourd'hui. Dernière rumeur en date, un sosie utilisé par le clan Clinton quelques heures après son malaise de New York. Alors les réseaux sociaux et les chaînes d'infos décortiquent les images depuis quelques heures. C'est assez drôle. Selon certains, les cheveux ne collent pas, tout comme la forme du cou ou encore celle des jambes. Un sosie bien connu des Américains est accusé d'avoir joué donc ce rôle de doublure. Elle a dû se justifier sur les réseaux sociaux et à la télé en affirmant qu'elle était à Los Angeles. Le médecin personnel d'Hillary Clinton a publié un rapport histoire de calmer tout le monde. La pneumonie de la candidate est modérée et non contagieuse. Et puis en plus de ça, elle est en très bonne santé et apte à gouverner. Ils sont fous ces Américains. Allez, sport maintenant. On parle de la Ligue des Champions. C'est bien passé pour les Français. Et la Ligue Europa qui arrive ce soir. Ouais, en effet, bonne soirée pour les clubs français. Lyon a largement dominé Zagreb, Dynamo Zagreb 3-0. But de Tolisso, Ferry et Cornet. Succès presque inespéré pour Monaco qui a vaincu Tottenham sur ses terres à Wembley. Score final 2-1. But signé Silva et Lema. Les Lyonnais, les hommes du Rocher, sont premiers de leur groupe. Dans les autres matchs, la Juve et Séville se neutralisent 0-0. Victoire dans la douleur in extremis du Real 2-1 contre le Sporting Portugal. Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Mönchengladbach 4-0. La première journée ce soir de la Ligue Europa et on espère que les clubs français là aussi vont briller. Les Verts de Saint-Etienne se déplacent sur la pelouse du FSV Mayence 0-5. Coup d'envoi à 19h et puis un peu plus tard, c'est Nice qui reçoit Schalke 04 à 21h05 et ça, ce sera à suivre dans la Radio Libre. Mais oui, on sera là et premier sur le foot comme tous les soirs. Merci Rémi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 7h06 sur Skyrock, c'est l'heure des 1500 euros. Là. Dans le morning de Difool, ils ont tous un secret. Tous un secret. Sauras-tu les reconnaître ? Il peut sentir les odeurs à plus de 1000 km. Okay. Il perd ses cheveux chaque fois qu'il reçoit une facture. Oh, bah non. Il fait l'amour en moins de 3 secondes. On présente les précoces. Elle est amoureuse de son chien. Alors, vous les avez reconnus ? 6h-9h. The morning show ! Le morning de Difool sur Skyrock. Et ouais, c'est l'équipe du morning qui vous réveille. On est ouais. là. Bonne journée ouais. à vous. Bon jeudi. On est déjà le 15 septembre. Ouais. Et on a déjà offert 1500 euros ce matin à Nadège, à Clémence, sa fille aussi. C'était magnifique. C'est 1500 euros, c'est beau quand ça tombe. J'espère que ça va tomber chez vous dans un instant. On va ouvrir l'enveloppe. C'est même toi, Romano, qui va nous ouvrir cette magnifique enveloppe. Avec plaisir. Oui. Tiens, Romano, puisqu'on en parle, on parle d'argent. Tu m'as dénoncé une arnaque tout à l'heure. Un peu après 7h30, à 7h40, comme tous les matins, vous retrouvez vos conseils pas chers. Et une arnaque à dénoncer. Ouais, c'est ça. Une arnaque si vous avez une voiture, un scooter. Ouais. Attention, il y a des arnaqueurs qui rôdent. Les arnaqueurs rôdent, pour en savoir plus, 7h40, c'est votre rendez-vous argent, votre rendez-vous conseil pas cher. Il y a même la police qui a lancé un grand appel. Un grand appel. Un grand appel. Wow. Un grand appel à la vigilance sur le site du ministère. ministère de l'Intérieur. Et donc Romano nous tiendra au courant de cette nouvelle arnaque, enfin nouvelle arnaque ou pas, mais arnaque en croissance et attention danger, je vous le dis. Ah bah et puis je vais la tester. Hein. Heureusement la police est avec nous ce matin sur Skyrock. Bonjour. Bonjour Grissom, comment vas-tu? Je m'appelle Gil Grissom. Ah Gil, je peux t'appeler Gil alors. Ouais. Salut Gil, ça va, ce matin il va réveiller les familles de France. Là, il est en train de faire un petit tour, je sais pas ce qu'il fait. Je dois retourner à mon laboratoire, je suis désolé. Oui mais tu retournes au laboratoire. Ah, vas-y au labo. Ouais. Tu reviens juste derrière et on se fait le réveil de star. Comment vont réagir les familles françaises face à Grissom des experts? Ça va, on va voir, ça va ou ça va pas? Ça ne va pas. Bah ça dépend, ça va, ça va pas. Ça va pas. Ça va, ça va pas. À découvrir le réveil de star de 7h10. Mais avant ça, eh ben tiens, on en parlait, vos 1500 euros à gagner. Donnez-moi l'enveloppe, s'il vous plaît. Eh bien, elle est là, Romano, tiens. Ah bah merci. Mode d'emploi pour choper 1500 euros. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapel? C'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Tu gagnes. C'est facile, c'est ce qui s'est passé il y a une demi-heure. Allez, on ouvre l'enveloppe, c'est parti. Où est-ce qu'on va aller ce matin? On peut aller partout, hein. Partout. Alors. Hop, c'est parti. Et nous allons dans le 03. Le 03, c'est l'Allier. L'Allier à Vichy. Ah, oh, comme l'eau qui pique et qui est salée. Ouais, c'est ça, ou les bonbons. C'est Céline Lombardi. Je sais pas si vous avez goûté l'eau de Vichy, mais le truc, c'est du sel. Ah, j'aime pas, moi, tous ces trucs. Pourquoi t'aimes pas ces trucs? Quels trucs? Là, les trucs gazeux, moi. Les eaux pétillantes. Ah, t'aimes pas les eaux pétillantes? Ah, genre la Badoit, Perrier et tout, je peux pas. Tu parles bien de la Badoit, ça vient de chez moi, dis donc. Ah, voici. C'est Céline Lombardi. Bonjour, Céline. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu, Céline? Qui est-ce? C'est la radio. Oui, on est à la radio, Céline. C'est la radio qui t'appelle pour t'offrir 1500 euros ce matin. On te regarde. Non, mais arrête. Non, l'écoute, Romano. Céline, tu veux gagner 1500 euros? Ah, flipper. Bon, tu peux répondre, hein. Bon, on va dire oui. Non, c'est un canular. Non, c'est pas un canular, Céline. On est bien en direct à la radio et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros. Il faut juste me dire quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne, Céline, tu repars avec 1500 euros. Tout. Alors, c'est Céline, pas. Tu fais monter le suspense, là. Hein. Ouais. J'ai une radio. Ça monte. Eh bien, non, pas du tout. Ah là, c'était Skyrock au téléphone. Ah, bah, tant pis. Eh bien, tant pis, bah, tu sauras pour la prochaine fois. Oui. Hein. Le prochain coup, tu réponds Skyrock, tu gagnes 1500 euros. Ouais. On t'embrasse, Céline. Gros bisous et à la prochaine. À Vichy. Salut Vichy. Salut Céline et bonne chance à vous, hein, parce qu'on recommence dans une demi-heure. 1500 euros à gagner. D'ailleurs, pour remonter vos chances de gagner, vous envoyez 1500. Au 7-20-20. Au 7-20-20. 1500 au 7-20-20. Et peut-être qu'on vous tirera au sort dans une demi-heure. Bonne chance à vous. 7h10, le réveil de star juste après Pitbull et Florida, c'est Green Light sur Sky. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Green Light. Everybody take a shot. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys. You know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. That means that we can do anything that you dream. I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. When the light turn green, give me what I asked for. I got a passport, Mr. International. I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus, flow of genius, smoking Venus. You never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out. Rally strikes, send me 500 bye-bye. You waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, 'cause I'm ready to go. Give me the green light, 'cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, 'cause I'm ready to go. h 13 et le son de Pitbull Les Florida sur Skyrock, c'était Green Lights. Dans un instant, gros souvenir, je vais parler de Beyoncé et de Sean Paul. Bah, on les retrouve en même temps sur le même morceau, ce sera Baby Boy. C'est juste après le réveil de stars. Les stars sont là sur Skyrock tous les matins. C'est Grisham. C'est Grisham pour fêter la fin des experts. Hier soir, TF1 fait une soirée spéciale sur les experts. Ouais, c'est ça. Le dernier épisode et après les 5 épisodes préférés des téléspectateurs qui avaient voté par internet. Et ils en ont enchaîné 6 à la suite. Allez, et bim. Et bim. Et ce matin, il vient nous réveiller. Grisham, la star des experts. Bonjour. Bonjour, bonjour. Grisham. Salut, Gris. Tu es en forme? Ouais. Ouais, allez, on est parti. Oui, qu'est-ce qui fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Oh bah, qu'est-ce qui c'est alors? Grisham des experts qui réveille la femme de... Non, qui réveille la famille même de Philippe ce matin. C'est parti. Philippe et la famille qui vont être mis en lien avec Grisham. Bonjour. Bonjour. C'est parti. Ça va? Et toi? Ouais. Qui c'est? Je te reconnais pas ta voix. Je m'appelle Gil Grisham. Gil Grisham. Non, mais Gil, ça ne dit rien du tout. Gil Grisham, je suis le chef de l'équipe de nuit. Connais pas. Je viens vous faire une pédicure. Une pédicure? Il va me couper mon pied? Ouais. Non, non, c'est pas moi, hein. Je vous demanderai de quitter votre veste et de retrousser vos manches. Ah bah là, je suis tout nu, je peux pas enlever ma veste. Pour prélever un demi-litre de votre sang. Bon, d'accord. Tu prendras du sperme en même temps, comme ça me dégagera. J'adore mon travail. Ah bah, je sais pas, hein. Tu verras bien, hein. Il t'a une pompe spéciale. Respirer par les oreilles, c'est plus confortable. Ah oui, oui. Bah, même par le trou de balle, hein, Marc. Oh, sans blague. Bon, bah, toi, tu commences à me casser les couilles parce que je te reconnais pas. Je viens juste d'avoir le shérif. Il compte sur moi pour diriger l'unité. Non, c'est pas vrai. Oh putain, la vache, le shérif. Et on est pas aux États-Unis, mec, hein. Ouais. On est en France, ici, hein. Ici, c'est la gendarmerie. Je m'appelle Gil Grisham, de la police scientifique de Las Vegas. On fait pas le malin. Oh putain, la vache. Je regarde trop la télé, mec, hein. Mon instinct d'araignée me dit que non. Ah, je te jure, ça t'abîme les neurones, hein. Ou t'arrêtes tout de suite, hein. Est-ce que vous aviez pris quelque chose d'autre? Ecstasy, cristal, LSD. Non, je prends pas de ça, c'est mauvais pour la santé. Je dois retourner à mon laboratoire, je suis désolé. Allez, salut. Salut, Philippe et Fisson. Un de ces jours. Merci, ça va le coup de fil. Ouais, ça ouais. Tout. Sympa, il a été bien accueilli, on était. Alors, gendarmerie, on s'en était pas rendu compte. Non. Ouais. Eh oui. La bonne blague de la famille, elle voulait faire une pédicure, et tu vas me couper le pied. Grisham des experts est de retour dans moins d'une heure sur Skyrock. Ah ou, c'est la musique des experts. Et les experts, aïe, fini, terminé, mais pas sur Skyrock. Le retour, tout à l'heure, juste après Beyoncé, Sean Paul, on vous offre votre iPhone 7. Info ou mytho, on va découvrir ce qui s'est passé dans le monde. C'est sur Skyrock, vous êtes au courant de tout, 7h16. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Certified quality, that the girl I'm needing to cry for every day without apology. But them the right way, that's my policy. Sean the Paul alongside Beyoncé. Let me breathe. Yo, yo. Stay on my fantasy. When I'm ready, forgive me the thing they're ready for really get to life. Tell me all about the things where you were fantasize. I know you dig the way my step, the way my make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come take me in at the night, I'll make her get it amplified. But I come for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love, I got to give it certified. For give it the toughest, longest time for ride, girl. Baby boy, you stay on my mind. It's a rap that girl. Drive round the town in a your drop top girl. In a stop shop girl. Little more the dirty one. Rock that world. It's a top top girl. Me and you together. It's a rap that girl. Drive round the town in a your drop top girl. In a stop shop girl. Little more the dirty one. Rock that world. Atta Anaya, Atta Atta Anaya, I know you gon' like it. I know you gon' like it. I'm stepping up, Atta Atta Anaya. I'm stepping up, Atta Atta Anaya. So don't you fight it. So don't you fight it. Oh, Manon est toute contente, j'adore ce titre, Beyoncé, ma reine, la reine Beyoncé pour toi, Queen Bee. C'était Beyoncé et Sean Paul pour ce gros son, c'est vrai que ça fait plaisir à retrouver ça. Baby Boy, un des grands classiques de Sky, à 7h20. Et sur Skyrock à 7h20, c'est l'heure d'Info ou Mytho, et c'est l'heure de gagner votre iPhone 7. La question de sélection, je vous la donne tout de suite, je vous donne une info, faut me dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Et ce matin, on va parler d'un grand rappeur qu'on adore ici sur Skyrock. Et écoutez-le comme il chante bien. I know when that hotline blink. J'adore ce morceau, Hotline Blink. C'est Drake. Alors, une petite info sur Drake, je vous la donne tout de suite, faut me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Drake, alors. Quand on est riche, on n'a pas de problème. Hein. Un petit souci quand même. Malgré tout, un souci de voisinage. Si vous avez des soucis de voisinage, sachez que ça arrive même aux plus grands rappeurs. Drake a eu un problème avec ses voisins. Ils se plaignent du bruit parce que Drake aime bien faire des teufs, écouter du son, faire venir des amis, tout ça. Ouais. Beaucoup de bruit. Les voisins se plaignent. Bon, lui, il a trouvé la solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, je sais pas. Eh ben, je vais vous le dire. Bah, je sais pas, il a isolé sa maison. Eh bien, comme tu le dis si bien, Romano, il n'a pas isolé sa maison. Il a carrément racheté la maison de tous ses voisins. Ah, bah, c'est pratique. Donc, ça. La maison de tous les voisins, il l'a rachetée. Comme ça, ils le font plus chier. Les maisons, elles sont à lui. Il n'y a plus de voisins et il est tranquille. Ouais. Voilà l'info que je vous donne. Bah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous nous laissez vos réponses sur le 41-759 ou sur l'appli Skyrock. Je vous donne mon top officiel pour vos réponses. Top! Et n'oubliez pas aussi de laisser vos numéros de téléphone pour qu'on vous rappelle derrière. Il y en a certains qui oublient. Et c'est con quand vous êtes le premier ou la première pour l'iPhone, c'est dommage. Ah oui, dommage. Donc, est-ce que Drake a fait l'achat de toutes les maisons du voisinage? Comme ça, ses voisins ne se plaignent plus du bruit. Info ou mytho? Vous en saurez plus dans un instant. Je vous dis tout sur l'affaire Drake. Drake et ses voisins. L'affaire à suivre sur Skyrock. Et puis dans un instant, vous jouez avec nous pour l'iPhone 7 avec deux journalistes hors pair. Carriole d'un côté, Romano de l'autre. Tenez-vous prêts. Il est 7h22 sur Skyrock pile. Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. Je l'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ah ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai vu le premier, en fait. Non, mais c'est...

Bah, c'est une info. Et ouais, il a racheté leur maison. Ah bah voilà. Il leur a offert 3 millions d'euros. Ah non. Ah, ça va, ouais. Il aurait dit, allez, je te donne 3 millions pour ta baraque, là, et comme ça, tu me fous plus la pêche pour écouter la musique bien fort, tu m'embêtes plus. Voilà donc pour l'info de Drake. C'est bien quand on est riche, hein. Ouais, ça, c'est pratique. Il a racheté le quartier, quoi. Ouais, tu vois, si un jour t'es très très riche, Elodie, comme Drake, et que t'as un voisin qui te casse les couilles, tu rachètes sa maison. Comme ça, tranquille. Alors, avant d'être riche, nous, on va t'offrir l'iPhone 7. Il est pour toi avec Romano d'un côté et Carion de l'autre. Attention, on rentre dans le game. Ouais, le game. Info, faux ou mytho. Qui dit vrai, qui dit faux. À toi de détecter le mytho. Oui, à toi, Elodie. Écoute bien, l'info de Romano pour démarrer. Ah, tiens, une info qu'on a trouvée dans le journal Le Sud-Ouest. Oui. Alors, un homme complètement ivre mort a décidé de se mettre à l'entrée d'un supermarché et de faire le vigile. Ah bon? Comme ça, ça lui a pris. Ouais, c'est bon, il était ivre, il a mis à costume, il s'est mis à l'entrée du magasin, il a fait le vigile. Oui. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, tous les gens qui venaient dans le magasin, il les recalait à l'entrée. Et là, il refoulait tout le monde. le patron du magasin devait être content. Tiens. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça lui rentre pas, toi. Bon, les forces de l'ordre sont arrivées, ils ont interpellé le monsieur qui est en cellule de dégrisement. Il est tout dégrisé. Mais oui. Donc, ça, c'est l'info. Info ou mytho. L'info de Romano, le vigile, tu as bien noté, Elodie. Écoute bien maintenant. Ouais, ouais. L'info de Carriole. Alors, nous, on va parler de Baron, c'est un mastif, donc un chien. Ah pardon, excuse-moi, je dis mais qu'est-ce que c'est ça? On va parler d'un baron. Il s'appelle Baron, c'est un des chiens les plus grands du monde. Il a 2 ans en fait et il va être potentiellement le plus gros chien du monde. Oui. Parce qu'il va encore grossir. Oui. Et là, il pèse 113 kilos et il mange 180 euros de croquettes par semaine. Ah, il coûte cher le chien. Ah, bah, voilà. Ouais, mais c'est un budget. Alors, le chien le plus gros du monde à 113 kilos, le chien Baron, c'est l'info de Carriole. Et le bourré qui se prenait pour un vigile qui refusait tout le monde à l'entrée du magasin, c'est l'info de Romano. Qui dit vrai, qui dit faux d'après toi, Elodie? C'est pas facile. Bah, moi, je dirais plutôt Romano info. Tu dirais Romano info et tu dirais Carriole mytho. Alors attention, est-ce que tu vas être la deuxième de ce matin à gagner l'iPhone? Aïe. Je vois la tête de Romano, à mon avis. Non, c'est pas bon. Alors le chien le plus gros du monde s'appelle Baron, il pèse bien 113 kilos et ton info c'était faux, Romano? Ouais, c'était faux en fait, c'est un mec qui s'est fait interpeller dans la nuit de mardi à mercredi parce que ce con se prenait pour un faux policier. Ah. Il croise 2 mecs dans la rue, il dit vos papiers s'il vous plaît, sauf que c'était 2 flics en civil. Ah, le mec a pas de chance. Il est con, il a pas de peau. Donc en fait le mec a commencé à se battre avec eux, à essayer de se barrer en voiture, il y a la brigade anticriminalité qui est arrivée. Le mec l'a interpellé, il ne se laissait pas faire, bon ils étaient obligés de lui foutre un coup de taser pour qu'il se calme. Eh ben voilà, une belle histoire, une histoire magnifique. Et il est actuellement en garde à vue. Hein. Eh bien, on le salue. Ne vous faites pas passer pour des keufs, ça marche pas. Ouais, ouais, pas bon. Ouais. Désolé, Elodie. Ah, désolé, ah, oui. L'iPhone 7. Mais c'est pas grave, parce que tu peux revenir déjà quand tu veux. Et puis, qu'on va t'envoyer ton maillot, ton jeu au choix. Un petit cadeau qu'on t'envoie à la maison, Elodie. Tu choisis ton jeu au choix. Gentil. On t'embrasse, Elo. Et dans 1 heure, on recommence. Encore un iPhone 7 à gagner. Je vous l'annonce, dans 1 heure, on jouera à l'invité mystère. Allez. Ouais. Invité mystère à découvrir dans 1 heure. 7h30, les infos arrivent dans un instant. Juste après, Soprano. Il est en feu, le Soprano. En feu. Oh là qu'il est en feu. Et des places de concert pour Soprano à gagner aussi sur Skyrock. À l'heure. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. Je suis chaud. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir, tu me souris, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai senti le gros gamin, ce soir, je suis prince de la vie. Je suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Je suis en feu. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Je suis en feu. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car je suis en feu. Sors de la piste, fais le grand dégât de Van Damme. Je suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur eux. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien ne peut. Si tu me parles, rien ne peut. Si tu me touches, rien ne peut. Je suis en feu. Soprano sur Skyrock, je suis en feu. Demain, morning spécial pour terminer la semaine, on vous offre la PS4 Slim, la toute nouvelle PS4 Slim, elle sort demain et elle sera gagnée en exclu demain sur Skyrock entre 6h et 9h dans le morning. Yes. On a même déjà offerte le soir, le matin, on a ça pour demain à ne pas louper dès 6h et on vous offrira en plus FIFA 17, le nouveau FIFA, on en parlait hier. Oui. Il est super, il est pour vous. Et même NBA 2K17. Yeah, 2K17. Ah, 2K17, t'as gagné demain matin, donc loupez pas le rendez-vous. Demain matin, matinée spéciale PS4 Slim, la toute nouvelle, elle arrive. Dans un instant, encore 1 500 € à gagner. C'est tombé il y a une heure dans le Loir-et-Cher, cher. Ouais. 1 500 €, elle a répondu Skyrock. C'est Nadège, sa fille, qui lui avait dit il faut répondre Skyrock quand tu t'appelles. C'est bien. La fille Clémence. Oui, parlez-en à toute la famille. Hein. Skyrock et ses 1 500 € dans la poche. Le temps de faire le point sur l'actu. Et puis on n'oublie pas l'arnaque que tu vas dénoncer, Romano. Si vous avez un scooter, si vous avez une voiture, attention, attention. Les arnaqueurs rôdent. Oui, oui, oui. Tu l'as dénoncé et tu l'as fait en plus. Bah évidemment, il faut que je fasse une démonstration quand même, c'est la moindre des choses. On attend la démonstration avec impatience. Conseil pas cher à 7h40. Et puis attention, la loseuse du jour à découvrir aussi, ce sera avant 8h. Mais d'abord les infos, Rémi, on va parler météo pour aujourd'hui. Eh bien la météo, ça mouille dans certains coins de France, ça se passe. Bah c'est clair, retour de la pluie aujourd'hui par l'ouest, tourne sur le centre et puis le bassin parisien. On a des averses aussi ce matin dans le sud-est, partout ailleurs, eh bien alternance de nuages et d'éclaircies avec là aussi des averses locales. Plus aucun département en vigilance orage, c'est la bonne nouvelle. Il reste encore 14 500 foyers privés de courant dans le sud-ouest et le centre, mais ça devrait s'arranger dans la matinée. Les températures en baissent aujourd'hui, entre 9 et 20 degrés pour ce début de journée, de 17 à 25 dans l'après-midi, 22 en région parisienne, 28 dans les Hauts-de-France. Et puis la pollution, c'est plutôt bon. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 à Lille, Nice et Perpignan. Des nouvelles de Neymar, tiens, à la suite du feuilleton Neymar PSG. Dans les infos, tu nous en parles dans un instant, mais d'abord le reste de l'actu, on va tout savoir. La radicalisation qui semble concerner de plus en plus de jeunes. Un ado de 15 ans a été interpellé dans les Hauts-de-Seine et incarcéré il y a quelques jours. L'individu est soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque djihadiste. Aucune arme n'a été retrouvée chez lui, mais c'est sur la messagerie Telegram qu'il aurait été repéré. Les enquêteurs pensent qu'il était en lien avec l'un des terroristes de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est le troisième ado arrêté en quelques jours. La reprise aujourd'hui du mouvement anti-loi travail, ça faisait longtemps. 14e mobilisation nationale à l'appel des syndicats, bien que la loi soit déjà définitivement adoptée et même promulguée. Même avoue que le mouvement sera certainement très peu suivi. Lors de la dernière journée, début juillet, seulement 30 000 personnes avaient manifesté. Le cortège parisien partira à 14h de Bastille. Prudence aussi si vous devez prendre l'avion. 15% des vols seront annulés à Roissy, Orly et Beauvais. Le patron du Cuba Libre et son frère mis en examen pour homicide involontaire. C'est dans leur établissement à Rouen que sont mortes 14 personnes dans un dramatique incendie le 6 août dernier. La question de la sécurité reste la priorité des enquêteurs. Toutes les obligations n'auraient pas été respectés. Les deux hommes ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. 3 ans de prison ferme requis contre Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre du budget, est jugé à Paris pour fraude fiscale et risque donc d'être incarcéré. Le procureur n'a pas mâché ses mots et parle du procès de la trahison ou encore d'un vol de la nation. C'est désormais l'avocat de Jérôme Cahuzac qui doit plaider aujourd'hui pour ce dernier jour de jugement. Le verdict sera ensuite mis en délibéré. On parle Ligue des Champions tout de suite et puis donc des nouvelles de Neymar. Ouais, et Lyon qui a largement dominé le Dynamo Zagreb hier 3-0 au but de Tolisso, Ferry et Cornet. Succès inespéré pour Monaco qui a vaincu Tottenham sur ses terres anglaises. Score final 2-1, but signé Silva et Lema, les Lyonnais et les hommes du Rocher qui sont premiers de leur groupe pourvu que ça dure. Dans les autres matchs, la Juve et Séville se neutralisent. Score vierge nul 0-0. Victoire du Real 2-1 contre le Sporting Portugal et puis Manchester City qui a largement dominé Manchester Gladbach 4-0. Encore des révélations sur le cas Neymar au PSG. C'est l'agent du Brésilien qui en parle alors qu'il a décidé de poursuivre sa carrière au Barça, ça vous le savez. Nasser Al Khelaïfi semblait vraiment, mais alors vraiment décidé à s'offrir les services de l'attaquant pour remplacer Zlatan. Il était prêt à monter une chaîne d'hôtels à son nom, une chaîne d'hôtels Neymar avec bénéfice à la clé et un jet privé pour tous ses déplacements. Il lui a également promis qu'il s'occupait du fisc, hein, qu'il n'avait aucune crainte à avoir sur ce plan-là. Tout cela bien évidemment en plus d'un salaire annuel de 60 millions d'euros ça par an. Difficile de comprendre comment Neymar a pu refuser tout ça. Hein. Ouais, bah peut-être que le Barça était plus généreux. Bah peut-être. Merci Rémi pour les infos. On t'en trouve tout à l'heure pour la suite à 8h. Il est 7h36 sur Skyrock. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Et ouais, on est dans notre salon avec la table de mixage. Romano qui appuie sur tous les petits boutons. Ça va, Romano? Oui, ça va bien, ça va bien. Et bien, ça te manque pas les boutons de Cédric? Si, un peu. Et oui, parce que Romano est le spécialiste des boutons. C'est lui derrière sa petite table de mixage qui appuie, qui envoie les sons, qui envoie tout ça. Tu rigoles, petite est plus longue que moi. Oui, bah, ça veut dire... oui, bah pour moi, elle est petite. Tout dépend, c'est proportionnel. C'est comme hier soir dans l'émission, on a eu Tony, le champion du monde, le champion olympique, médaillé d'or. Tony Yoka. Tony Yoka, oui. Qui est champion olympique avec sa femme, ouais. Estelle. Et ben, tu vois, par exemple, pour lui, je suis petit. Oui, non mais bon, à côté de lui, tout le monde est petit. Oui, et ben toi, pareil, c'est pour moi, tu es petit. Mmh. Et ben, voilà, ta table de mixage est grande. Elle est grande, ta table de mixage. Grande. Rock, hein. Bon, on a la loseuse du jour à retrouver, elle est super. Hein. Vous allez la retrouver d'ici un quart d'heure. Votre horoscope de l'amour avant 8h, vous y aurez droit aussi. Et puis, dans un instant, les conseils pas chers et on dénonce une arnaque dont on peut être victime sur la route si vous êtes en voiture ce matin. Et on la teste. Faites attention. Et puis, la matinée spéciale PS4 Slim, c'est demain, hein. Je le dis pour Nino qui nous a envoyé un message qui veut la gagner ce matin, lui. Demain matin, matinée spéciale dans le morning, morning spécial. Et on salue d'ailleurs Ugurio qui lui il livre des PS4, il nous dit, je viens d'en livrer 150 de PS4 Slim. C'est pour nous. Tu veux pas en livrer que 149, tu m'en mets une de côté. Nos 150 PS4 demain, à le pas louper dans le morning sur Skyrock, évidemment. Et les 1 500 € à gagner, j'ai l'enveloppe, on va ouvrir ça tout de suite. On va voir si ça va tomber. Il y a une heure, ça tombait chez Nadège. C'est peut-être chez vous maintenant. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Oui, maintenant. Et juste avant d'en trouver, DJ Snake sur Skyrock avec Justin Bieber, j'ouvre l'enveloppe et les 1 500 € vont peut-être tomber dans le 92 ce matin. Quel suspense. 92, les Hauts-de-Seine. Si vous nous écoutez dans le 92, c'est peut-être pour vous. On va à Châtillon et on appelle la famille Bonneval. C'est Luc Bonneval qui a été tiré au sort. 1 500 € à gagner pour Luc. Si vous voulez augmenter vos chances de gagner, vous inscrivez. Hein, vous envoyez 1 500 au 720-20. Ouais. Allô, allô. Allô. Oui, monsieur Bonneval. Et Luc. Oui. C'est Luc. Ça. Comment vas-tu, Luc? Ça va, ça va. Ça va pas mal, ça va pas mal. Bon, tu sais qui est au téléphone, Luc? Oui, oui, je crois c'est qui, là. Tu crois c'est qui? Bon, je vais te donner un indice, on est en direct à la radio, Luc. Oui. Et on a 1 500 € à t'offrir. Ouais. Je te sens bien, Luc, toi, ce matin. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, je te sens bien. On va te poser une question, on va te demander quelle est ta radio préférée, Luc? C'est Skyrock. Et c'est gagné! Bravo! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, comme tu dis, tiens, tu viens de gagner 1 500 € Luc, ce matin en direct sur Skyrock à 7h39. Ah, c'est magnifique. Eh, magnifique. Tu vois comme la journée démarre bien avec nous? Ah ouais, c'est clair. En plus, je vous écoute tous les matins pour voir si vous m'appelez ou pas. Eh ben, ce matin, tu as bien fait, ben, écoute, t'as bien fait de nous écouter tous les matins et ce matin aussi, puis tu viens de gagner 1 500 € en direct. C'est le grand jour. Le grand jour. Ouais, merci beaucoup. Le grand jour est arrivé. Alléluia. Tu te souviendras de ce 15 septembre. Tu fais quoi dans la vie, Luc? Présente-toi un petit peu, t'as quel âge, tout ça? J'ai 23 ans et je travaille chez Orange. Très bien, bon, salut les amis d'Orange. Ah tiens, Romano a un truc à te demander, excuse-nous. Hein. Chez Orange, tu travailles pour les portables ou Internet? Non, j'installe la fibre optique. Ah putain, merde, parce que j'ai une galère pour changer de box, c'est un foutoir. Romano voulait que tu lui piques une box, tu lui la fais comme ça en rose. Justement, je voulais la nouvelle Livebox fibre. Ah bah, les fibres, ça te... Ouais, mais on va s'arranger, je vais parler avec toi hors antenne. Ah, il y a pas de soucis. Je vais te manger la tête dès le matin. En tout cas, un truc qui fait plaisir, c'est le deuxième gagnant de la matinée pour ce matin, Luc, bravo. Hein. Ouais, bien joué. Tu vas faire quoi avec tes 1 500 €? Là, je pense que je vais mettre de côté là pour mon prochain appart. C'est bien, ouais. Tu les mets de côté, ça va faire des petits, comme on dit. Ouais, c'est bien, ouais. C'est bien, Luc. Bravo à toi. Voilà. Et puis, un chèque de plus qui vient de tomber. N'hésitez pas, vous aussi, à répondre Skyrock sans hésitation. Ça vaut 1 500 €. On te reprend tout de suite. On prend tes coordonnées. Le chèque arrive dans une semaine à la maison, Luc. Ok, pas de soucis, je vous remercie. Eh ben, on t'embrasse. Salut, Luc. Ciao. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Nifoul sur Skyrock. Ça fait du bien, encore 1 500 € et c'est pas fini, hein. Toutes les demi-heures, tous les matins, c'est sur Skyrock. Et DJ Snake, c'est sur Skyrock aussi, avec Justin Bieber, Let Me Love You. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. Nah, nah, nah. I won't Let Me Love You sur Skyrock. Il est bien ce morceau. Hein. DJ Snake en extrait de son album avec Justin Bieber dessus, qui chantait Let Me Love You. Mmh. On va faire une bise à Neyla qui nous a envoyé une photo d'elle avec un chapeau. Mais tu es mignonne toute plein, Leïla. Neyla. Les filles qui écoutent Skyrock sont très belles. Eh bien, on a une beauté fatale à vous présenter dans le loser du jour. Ce sera donc la loseuse du jour. Ouais. Dans 10 minutes, ne la loupez pas, celle-ci. Hein. On l'a sélectionnée spécialement pour vous. On va la retrouver. Mais d'abord, les conseils pas chers et dénonciation d'arnaque ce matin. C'est bien, Romano. Ouais. Tu vas arrêter d'arnaquer les gens, c'est ça? Non, je vais pas arnaquer. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, l'arnaque, tu l'as trouvée sur le site du ministère de l'Intérieur. Et avec c'est mon site préféré. Avec un titre magnifique, Va des rétro, les escrocs. Parce que. Non, mais ils ont écrit ça sur le truc du ministère de l'Intérieur. Va des rétro, les escrocs. Mais pourquoi va des rétro, les escrocs? Parce que c'est l'escroquerie au rétroviseur. Va des rétro, jeu de mots. Humour déconne sur le site du ministère de l'Intérieur. Oh, trop lol, dites donc. Ouais, ouais, attention. Alors, les arnaques au rétro. Mais je crois que je la connais, celle-ci, là. Mais elle est en. Elle est, attention, recrudescence. Recrudescence d'arnaque au rétro. Tu vas tout nous expliquer. Écoutez bien. Tu cherches ton portefeuille? Regarde dans les poches de Romano. Les conseils pas chers sur Skyrock. Oui, c'est ce qu'il faut faire, ça. Si vous avez perdu votre portefeuille, c'est dans ces poches qu'il faut regarder en premier. Alors c'est quoi, attention, l'arnaque au rétro? Alors, justement, je vais vous lire ce qu'il y a sur le site du ministère de l'Intérieur. Ils ont fait des petits pictogrammes et quatre étapes dans l'arnaque au rétroviseur. Oui. Première étape, un escroc s'arrête brutalement et vous accuse d'avoir cassé son rétroviseur. Oh, le vilain. Genre, vous êtes dans la rue, oh, t'as pété mon rétro, connard. Ok. Là, l'escroc appelle soi-disant son assurance et annonce un prix exorbitant pour la réparation du téléviseur. Non, du rétroviseur. Du rétroviseur. Tu es obsédé par la télé. Depuis que sa télé est tombée en panne, il ne pense qu'à ça, c'est fou. En fait, là, l'escroc propose un arrangement à l'amiable. Oui. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la personne se laisse avoir et va retirer de l'argent au distributeur et le donne à l'escroc. L'escroc disparaît et l'arnaque a eu lieu. C'est donc ça, l'arnaque au rétroviseur. Et je dirais, comme le ministère de l'Intérieur, comme Bernard Cazeneuve. Il est chauve comme toi, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je dirais, va des rétros, les escrocs. Ouais. Et donc, l'arnaque au rétroviseur, on va la tester en direct pour vous montrer comment ça marche quand même. Ouais, il y a un mec à Perpignan quand même, il s'est fait choper. Il a pris 50 prison où il avait escroqué 15 000 euros quand même de rétroviseur. Bravo, chapeau les escrocs. En moins d'un an. Bravo. Va des rétros les escrocs. Alors envoyez-moi du client. Oui, alors on envoie du client et on fait le test. Donc ce matin t'appelles des gens, tu leur dis vous m'avez cassé le rétro de ouais, ouais, ouais. Et il y a quelqu'un qui vous a vu qui c'est m'a laissé qui votre numéro. Moi j'ai le témoin. Moi je l'ai vu, moi. J'ai vu le mec a cassé les rétros là. Alors, on va chez qui ce matin? On va chez Claude. Claude. Bonne chance chez Claude Romano. On n'a pas la marque du véhicule? Non. Non. Non. Allô, Claude? Oui, allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, vous êtes bien Claude? Non. Bah, vous êtes qui, vous? Bah, et vous? Bah, écoutez, moi, je vous appelle parce que je vous explique. A priori, vous m'avez cassé un rétroviseur avec votre voiture. Hein? Vous m'auriez cassé un rétroviseur avec votre voiture parce qu'il y a des gens qui vous ont vu et qui ont laissé le numéro avec la plaque d'immatriculation et je vous ai retrouvé. D'ailleurs, je suis avec le témoin qui vous a vu. Oui, c'est lui, je l'ai vu. Qu'est-ce que c'était, connerie? Je témoigne, monsieur, je l'ai vu. Eh ben, oui, oui. Eh ben, le problème qu'il y a, c'est qu'a priori, vous êtes passé trop près de ma voiture, alors que j'étais garé, et vous m'avez pété mon rétroviseur. Oui, mais où? Bah, en ville. Hein? En ville. Hein? Quand? Bah, là, il y a 2-3 jours, a priori. Ah, bah, j'ai jamais été en ville. Ah, il y a bah, deux, ça, trois c'est jours. Facile, hein, monsieur. Moi, je vais vous dire, vous allez le payer, le rétroviseur. Eh ben, on va à la gendarmerie tout de suite, et puis c'est tout. Ah, bah, non, je vais venir te voir, et puis tu vas me donner des sous. Eh ben, tu fermes ta gueule, je te dis, on va à la gendarmerie. Non, je viens te voir, et puis j'ai pas peur de toi. Hein, mais moi non plus, j'ai pas peur de toi. T'as pas besoin de gueuler, parce que je suis avec le témoin, il t'a vu. Je l'ai vu. Eh ben, c'est témoin, je l'ai. Brûlez-moi de ton témoin. Je lève la main gauche, je croise les doigts, et je dis, je le jure, je l'ai vu. Oui, eh ben, c'est bien. Ben, si, il vous a vu, il a même dit que vous buviez, après, il était ivre. Ah, oui, ouais, bah, ça se peut. Vous rouliez comme ça, oui, à droite, à gauche, bing, et puis même en marche arrière. Oh, j'ai dû taper en marche arrière. Ouais, mais aussi, ah, c'est donc toi aussi le pare-choc. Ça voilà, ouais, c'est ça. Alors, par contre, alors, on va prendre un rétro, un pare-choc, tu vas au magasin, t'achètes et puis tu m'amènes la facture. Ah, tu vas me donner 500 balles et puis ça fera bien. Ouais, ben, je t'ai dit, amène la facture, moi je passerai ça en charge. Ouais, ben moi je viens de voir, je viens de voir tout de suite là. D'accord, et je pense t'attends. Que quand tu vas me voir, tu vas moins faire le malin. Je t'attends. Parce que je fais quand même 1m54, alors méfie-toi. Ouais, et ben je t'attends. Un coup de boule dans les roubignoles, c'est vite parti. D'accord. Bon. À tout de suite. Ah bah, à tout de suite, mon Christophe. D'accord. Bisous, bisous. Merci de ta coopération. Et ben, merci. 500 balles. Et hop là. Bravo. C'est bien. Bravo, Romano. Bravo. Et cette arnaque au rétroviseur fonctionne. Va des rétros, les escrocs. Oui, c'est marqué, attention. Oui, 7h49, dans une minute, l'horoscope de l'amour. Il arrive sur Skyrock. Et la loseuse du jour à découvrir. Et puis du son à écouter. On se fait un petit Alonso tout de suite. DJ Snake. Let me love you. Middle. Talk. Ils sont tous sur son premier album, Encore. DJ Snake, en concert au Zénith de Paris le 25 novembre. Intersport. Les femmes sportives sont à l'honneur chez Intersport. Dès le 14 septembre, les chaussures femmes Nike Air Relentless 6 sont à 48,99€ au lieu de 69,99€, soit 30% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50€ d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et l'horoscope de l'amour sur Skyrock, c'est parti. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Hey, juste avant Alonso et Binta, juste avant la loseuse du jour, l'horoscope de ce jeudi 15 septembre avec les meilleurs du jour, les balances et les lions. Vous brillez aujourd'hui, vous brillez de tous vos feux. Votre charme fera mouche à pratiquement tous les coups. Profitez bien de cette journée, elle est super bonne. C'est pour vous les balances, c'est pour vous les lions. C'est super bien aussi pour les capricornes et les cancers. Si vous êtes célibataire, vous arriverez à convaincre facilement celui ou celle que vous avez envie de séduire. Et si vous êtes en couple, vous saurez trouver les mots qui iront droit au cœur de votre partenaire, tel une flèche dans un cœur. Oh, wow. Verseau, poisson, bien pour vous aujourd'hui, vous avez 3 sur 5. C'est votre bonne humeur qui sera contagieuse aujourd'hui. C'est normal parce que Romano a gagné 500€, va être de bonne humeur toute la journée. Je suis heureux là. 2 sur 5, les vierges et les sagittaires, ne vous forcez pas aujourd'hui, faites uniquement ce que vous sentez, c'est ce que vous ferez de mieux. 1 sur 5, les scorpions et les gémeaux, vous aurez tendance à perdre la tête pour des. À vous prendre la tête. Pour des broutilles, restez zen, restez tranquille. Et 0 sur 5, les béliers et les taureaux, c'est votre sale caractère qui pourrait refaire surface aujourd'hui. Faites un petit effort de diplomatie et vous verrez, tout ira mieux comme ça. Ça passera mieux. Dans un instant, on retrouve la loseuse du jour. Alors celle-ci, faut pas la louper quand même. Et ben nous, on va pas la louper. Dans un instant, on s'en occupe. Après Alonso, Alonso le Marseillais, c'est Binta. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes sans tasse. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. c'était Alonso sur Skyrock. Encore une découverte Sky. Alonso de Marseille. Il est 7h54. On va retrouver la loseuse du jour. Est-ce qu'elle est là? One, two. Ah oui, elle se prend un peu pour une américaine. Mais elle est américaine. Elle s'appelle quand même Turner. Ah ouais. Oh, elle s'appelle Turner. C'est vrai, c'est une américaine. Bah ouais. Turner. La loseuse du jour sur Skyrock. Comme tous les matins. Et voilà l'enjeu. Voilà le truc. La loseuse du jour. La loseuse du jour. Eh oui, la loseuse du jour, c'est celle qui parle moitié français, moitié américain parce qu'elle se prend pour une américaine. Montrez-moi ce que vous avez. Show me what you got. Allez sur internet, mettez les bouchées doubles, mouillez le maillot. Come on guys, show me what you got. Okay. Skyrock, c'est donc Afida Turner, la loseuse du jour. Afida Turner, la très classe, je dirais même. Afida Turner. Oui, elle avait fait quoi, le loft elle? Elle avait fait je crois, ça, ouais, le loft ou Secret Story. Le premier loft. Le premier loft. Ouais. Ah, elle était dans le premier loft. Now, I can hear my voice. Ouais, ta gueule maintenant. Tu es sympa, mais. Tu nous saoules un peu. Oui, là, ouais. Tu es fatigante, tu nous fatigues. Tu es. Fuck you! Ah, mais tu okay. Es sale. Alors, Afida Turner, hier, à la télé, dans le Mad Mag. Bon, heureusement, il n'y a personne qui regarde. Ouais. Mais imaginez des enfants qui tombent là-dessus. Afida Turner n'avait pas mis de culotte. Oh. Non, oh, non, non. Elle avait mis une mini-jupe. Et, ras la touffe. Et oui, ras la touffe. Ras la salle de jeu, comme oui, on dit. Une grosse touffe, par contre. Ah ouais. Et à ce moment-là, Afida voit la caméra en face d'elle. Elle était assise sur une espèce de bureau. Sur la table. Table ouais. Et se met à écarter les cuisses. Ouais. Mais avec une classe absolue. Hein. Bien sûr. Écarter les cuisses. Comme genre, les limites, la meuf, elle faisait un grand écart sur le bureau. C'est ça. Voilà. Et donc, tout le monde a vu sa schneck. Sa vulve. Oui, la vulve d'Afida Turner. Non, la vulve, tu la vois pas parce qu'il y a tellement de poils devant. Oui, c'est vrai. Les images. La meuf a un rideau, quoi. Si vous voulez les images, âme sensible, s'abstenir, je tiens quand même à le préciser. Elle a déjà mis la boumoute pour l'hiver. Oh, oui, c'est un ticket, ça va. Elle est au chaud. Ah putain, c'est un gros ticket, ouais. Oui, un gros ticket. Elle est donc sur le difool.skyrock.com. Vous allez la voir, vous avez les images. Donc, hier, Afida Turner, pour faire parler d'elle, n'a rien trouvé de mieux que de montrer sa chatte à la télé. Voilà. C'est la pas, grande classe, ouais. C'est pas un ticket de métro qu'elle a, hein, c'est un ticket de TGV. Hein. Oui, oui, ça. Ah, l'américaine Afida Turner, elle est super. Welcome in my house, follow me guys. Yeah, follow me guys. Follow me guys, l'autre se prend pour une américaine et c'est plus comment faire parler d'elle. Mmh. Bah, voilà, elle a réussi. Tu as réussi, Afida, bravo, félicitations. Bravo, bravo, bravo, vraiment, bravo, vraiment. Bravo, et t'as toujours autant la classe, c'est bien, tu n'as pas changé. Et une dernière déclaration avant de partir. Putain, c'est magnifique, la classe, mais quelle classe. Et elle est contente parce qu'elle a le titre de loseuse du jour, Afida Turner sur Skyrock. Et bien, et c'était le deuxième loft, hein, c'était pas le premier. Très bien, merci pour la petite précision. Merci pour le message. Ah ouais, merci Christophe, merci Nadia, merci Schneck, merci Sheik aussi qui nous a laissé un message. Mm-hmm. C'est le deuxième. Ok, c'est bien noté. Et c'est donc Afida Turner et la foufounette d'Afida Turner. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, foufounette, foufoune tout court. Hein. Ouais. Ah. Grosse foufoune. Ouais, là, c'est ça. C'est foufouneau, quoi. Foufouneau. 7h57 sur Skyrock. Dans un instant, 2 500 € à gagner. Bonne chance à vous. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de 2 produits Makeup Forever, un mini rouge à lèvres Artiste Rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Makeup Forever, en exclusivité chez Sephora et Makeup Forever. Sephora. Au cœur de la beauté. GPS, caméra de recul. Non, franchement, elle est canon, ta nouvelle Volkswagen. Tiens-toi bien, entièrement connecté. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non, mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Match suréquipée est à 270 € par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2 867 €. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation et réseau participant. Je suis la remise exceptionnelle de 20% de chez Castorama. Oui, moins 20%. Et ce week-end, j'ai décidé de me poser sur tous les luminaires et tous les carrelages. Et on va embellir votre maison. Oui ! Alors rendez-vous chez Castorama demain et jusqu'à dimanche pour profiter de 20% de remise sur tous les luminaires intérieurs et extérieurs et tous les carrelages sol et murs intérieurs et extérieurs. Vite, lancez-vous ! Hors ampoule, interrupteur, accessoires et colle, hors commande et promotion en cours, voire conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Leclerc. Ouais, vive la rentrée! 40% de réduction immédiate chez Leclerc! Enfin, Philippe.

Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Bonne réveil et bonne journée sur Skyrock. Ben oui. J'espère que vous allez bien pour ce morning, le morning qui parle plus français. Oui, exactement. Et le morning qui vous offrira demain matin votre PS4 Slim, matinée spéciale avec FIFA à gagner aussi. Le nouveau FIFA, on vous l'offre déjà 15 jours avant sa sortie. FIFA 17. Ouais, et on vous offrira également NBA 2K17. NBA 2K17. Exactement. Demain matin, morning spécial, soyez là entre 6h et 9h. On vous offrira tout à l'heure, parce qu'on a plein de cadeaux au filet tous les matins pour vous donner la pêche. C'est à 8h20 et on va jouer à l'invité mystère. On vous offrira l'iPhone 7. Il est à gagner évidemment sur Skyrock. Tous les matins, on vous enfile 3 comme ça. Allez hop là. Ouais, cadeau. À 6h20, 7h20 et donc à 8h20 pour le prochain rendez-vous. Ne le loupez pas. Et puis vos 1500 €. Et déjà deux gagnants ce matin. À Romorantin, c'est tombé chez Nadège. À Châtillon dans le 92, c'est tombé chez Luc. Et ce sera peut-être votre tour. Et bien juste après les infos de Rémi dans 2 minutes, 1500 € à gagner. Et les infos, ça démarre par la météo. Météo pour aujourd'hui à 8h04. Eh ben, de la pluie aujourd'hui, principalement à l'ouest, sur le centre et le bassin parisien. Des averses aussi dans le sud-est. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies aujourd'hui, avec encore des averses localisées. Il reste 14 500 foyers privés de courant, là, dans le sud-ouest et dans le centre, conséquence des orages. Retour à la normale prévue dans la matinée. Les températures en baisse aujourd'hui, entre 9 et 20 degrés pour ce début de journée, de 17 à 25 dans l'après-midi, 23 en région parisienne et 28 dans les Hauts-de-France. Et puis la pollution, c'est plutôt bon, les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 à Lille, Nice et Perpignan. Et le son de Ken Jones à écouter. On sera aussi un souvenir de Rihanna, un de tes sons préférés, celui qui dit rom pom pom pom, Romano. Ah, j'adore Man Down. Ouais, parce qu'il adore le rhum, la pomme aussi. La pomme. Et Rihanna surtout. Et les infos tout de suite, désolé du petit retard. L'actu, le sport tout de suite. Ouais, la ville de Belfort qui lance une motion pour le maintien de l'activité d'Alstom, fait politique assez rare dans une commune, et votée à l'unanimité par le conseil municipal. La ville demande donc aux constructeurs, avec le soutien de tous les syndicats, de ne pas arrêter sa production. Cette motion sera envoyée à François Hollande. Dans le même temps, les voix s'élèvent pour accuser le gouvernement de négligence. Un gouvernement qui aurait été à plusieurs reprises informé de la situation et qui n'aurait pas bougé le petit doigt. Une manifestation est prévue aujourd'hui à Belfort et une grève aura lieu le 27 septembre. D'ici là, les négociations se poursuivent avec la direction. 400 salariés risquent d'être contraints d'aller travailler en Alsace. Encore une fusillade en plein cœur de Marseille. Deux personnes blessées hier soir dans le deuxième arrondissement de la cité phocéenne. Ce serait la conséquence d'une bagarre, selon les enquêteurs, qui ne privilégie pas la thèse d'un règlement de compte. L'une des deux victimes est dans un état grave. Son pronostic vital est sérieusement engagé. Les rumeurs qui s'accentuent autour d'Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, reprendra sa campagne aujourd'hui. Dernière rumeur en date, un sosie utilisé par le clan Clinton. Quelques heures après son malaise new-yorkais, les réseaux sociaux et les chaînes d'infos s'en donnent à cœur joie. Les images sont décortiquées là depuis quelques heures. Alors selon certains, les cheveux ne collent pas, tout comme la forme du cou ou encore celle des jambes. Ça ressemble étrangement à un sosie bien connu des Américains, sosie officiel, hein, et accusé d'avoir joué le rôle donc de doublure. Elle a dû se justifier, cette femme, en affirmant être à Los Angeles. Le médecin personnel d'Hillary Clinton s'est empressé de publier un rapport médical histoire de calmer tout le monde. La pneumonie de la candidate est modérée et non contagieuse. Et de plus, elle est en bonne santé et prête à gouverner. Voilà, faut qu'elle arrête de déconner, Clinton, parce que l'autre, il va passer à la blondasse. Ouais, faut quand même faire gaffe. Ouais. Elle fait trop de conneries. Ouais. Alors, on va parler sport maintenant avec la Ligue des Champions. C'est bien passé. Ouais. Et puis une petite info transfert aussi. Ça s'est bien passé, c'est vrai. Lyon a dominé le Dynamo Zagreb 3-0. Succès aussi pour Monaco qui a vaincu Tottenham sur ses terres à Wembley. Score final 2-1. Les Lyonnais et les hommes du Rocher sont premiers de leur groupe. Dans les autres matchs, la Juve et Séville se quittent sur un match nul 0-0. Victoire in extremis du Real 2-1 contre le Sporting Portugal. Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Mönchengladbach 4-0. Enfin, une bonne nouvelle qui parfois peut en cacher une mauvaise. Situation un petit peu réaliste là du côté de Lyon. Tout le monde annonçait hier l'arrivée imminente d'Emmanuel Adebayor. Et bien au final, il ne sera apparemment pas lyonnais. L'annonce a été faite hier très tard par le directeur adjoint de l'OL, Olivier Blanc. Alors on ne sait même pas si le Togolais a pris l'avion et qu'il a appris la nouvelle en plein vol, ou alors s'il a eu le temps d'être informé avant d'embarquer. Difficile d'expliquer ce matin ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, on en saura sûrement plus dans les prochaines heures. Les JO Paralympiques avec deux nouvelles médailles pour la délégation française. Elles sont en bronze. La première pour l'escrimeur Maxime Vallet. La deuxième pour Arnaud Assoumani en saut en longueur. Merci Rémi. Les 8h08 sur Skyrock, c'est l'heure de vous offrir 1500 €. Puis on va faire un petit sondage parmi vous, là, on a besoin de vos réponses. Attention. 1-2-1-2, c'est le Black M en personne, toujours connecté dans le Morning de D-Fool. What up, what up, Jay-Z. C'est Ritza dans le Morning de D-Fool. Bienvenue dans le Morning de D-Fool. The Morning Show. 6h-9h sur Skyrock. Eh oui, ils sont tous dans le Morning, et nous aussi, et vous aussi. Bon réveil d'ailleurs, si vous venez de vous réveiller, d'ouvrir les yeux. Bonjour. Bon courage si vous êtes dans les bouchons. Ça bouchonne. On a plein de messages que vous nous envoyez. Laissez-nous nos nouvelles de ce qui se passe chez vous. Et puis je vous disais, on a besoin de vous pour un petit sondage qu'on va faire maintenant. On va parler dans un instant des experts, puisque c'était hier la dernière grande soirée des experts avec le dernier épisode diffusé par TF1. Ouais. Et après ils en ont diffusé 5 des vieux. C'est ça. Rassurez-vous, vous les reverrez sur TMC, vous les reverrez sur NT1, vous les reverrez sur TF1. Ah ouais, ça va repasser. Vous les reverrez partout. Mais la petite question que je voulais vous poser ce matin, puisque les experts s'arrêtent, quelle est la série qui, si elle s'arrêtait, vous manquerait grave ? Si vous avez une série préférée, eh bien dites-nous, on attend ça au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Une série qui s'arrête et qui vous manque grave. Cariole, dis-nous pas Les Feux de l'amour. Je pensais pas à ça, mais effectivement. Effectivement, j'attends Les Feux de l'amour. Non, mais Joséphine Ange Gardien, ça me manquerait. Ah ouais, donc c'est encore pire. C'est encore pire, c'est les ravages de l'alcool. Elle boit dès le matin, c'est terrible. Et Camping Paradis aussi. Ah oui, bon. Ah bah, tant qu'on y est. Voilà, très bien. Et Navarro, non, ce ne pas. Navarro. C'est fini de toute façon. Oui, de toute façon. Et Louis la brocante. Allez, ouais. Oh, ce brave Louis et son camion. Bon, moi, ça serait. Je vais être classique. Moi, ce serait Les Simpsons. Ça me manquerait si ça arrête. Bah, moi, ça m'a fait chier quand Monk, ça s'arrêtait. Ouais, Romano a pleuré pour le dernier épisode de Monk. Ah, ouais, putain, j'étais tellement triste. Non, il était tellement bourré. Le mec regardait le dernier épisode de Monk dimanche galbé, après-midi. Ouais. C'était galbé la gueule. C'est vrai, ouais. Il était là. Monk, il est mort. Non, mais ça m'a ému. Oui, bah, écoute. Ah, il meurt à la fin, Monk ? Non. Ah, d'accord. Il meurt ? Mais non. Je me rappelle plus. Non. Il a tellement pleuré qu'il voyait plus la télé, donc il y avait des larmes dans ses yeux. Attends, j'ai un doute. Bah écoute, dites-nous si vous voulez éclaircir le doute de Romano et de Cariole, ils sont mal. Alerte Cobra, nous dit Jérôme. Esprit criminel pour l'inconnu. The Game of Thrones pour El Flaco du 59. Grey's Anatomy pour Oriane. J'en ai une autre, moi, tiens. Série un peu plus spé, puisqu'elle est passée que sur Canal pour l'instant. C'est Gomorrah. Mais c'est saison 2 qui est arrivée là. Ouais, elle va sortir bientôt. Elle est sortie en Italie et elle va sortir bientôt en France, le temps que Canal Plus fasse les doublages. Et actuellement, Canal Plus, c'est pas la pêche, donc ils mettent un peu le temps. Mais voilà, si Gomorrah s'arrêtait, c'est un peu comme Les Simpsons, ça me ferait chier. Grey's Anatomy encore. NCIS, je kiffe grave. Grey's Anatomy, c'est fini, non ? En plus Non, il revient, je crois. Ouais, mais il y a plus de nouveaux épisodes, si ? Je sais pas, je crois que si, non ? Non, je crois que c'est juste Mamour qui est mort. Ouais, Mamour est mort, mais les autres sont encore là. Ah, Mamour est mort, mais c'est ceux qui étaient beaux. Rest in peace, Mamour. The Walking Dead, plus belle la vie, nous dit Barjo. The Walking Dead encore pour Mathieu. Vampire Diaries pour l'inconnu. Malcolm pour Alias. Game of Thrones pour Laura. Ah ouais. Walking Dead. Donc, quelle est la série qui, si elle s'arrêtait, vous manquerait grave ? On en reparle dans un instant, et dans un instant, le réveil de star, mais tout de suite vaut 1500 euros. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Et je remets l'enveloppe à Romano officiellement. Tiens l'enveloppe, Romano. L'autre il me l'arrache. Non mais non, parce que je croyais que t'allais faire encore une vieille blague de l'enlever quand tu au viens dernier chercher. Moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors 1500 euros. Je vous disais, c'est tombé deux fois. Inscrivez-vous au 720 si vous voulez gagner vous aussi 1500 euros. Vous envoyez 1500 au 720, c'est un petit tuyau pour augmenter vos chances de gagner. Oui. Et si vous êtes flemmard, on tire aussi dans l'annuaire. Alors, nous allons dans le 69. Oui, 69, Lyon, Villeurbanne, Caluire. Eh bien, nous allons à Caluire et Cuire. C'est Caluire, donc. C'est vrai, Caluire et Cuire, ouais, c'est Caluire et Cuire. Ouais, Caluire et Cuire, ça s'appelle. Et nous allons, alors attention, donc à côté de Lyon, oui. Chez Monsieur Aulas. Jean-Michel. Oh putain. Non, non, c'est Pierre. Pierre Aulas, comme le nom du président de Lyon. C'est peut-être le fils ou le proprio de Lyon. Ouais, c'est ça, ouais. Ou c'est peut-être quelqu'un de la famille de Jean-Michel. Ouais, ça va, il n'y a pas besoin de fou. Bah ouais, c'est clair. Ah ouais, mais elle a été tirée au sort, c'est le jeu, Romano, hein, c'est comme ça. Allô ? Oui, bonjour Monsieur Aulas. Oui. Bonjour, comment va Jean-Mi ? Jean-Mi qui ? Bah Jean-Michel. Jean-Michel Aulas. Oui, c'est qui ? Le président de Lyon, comment il va ? Bon, ça va, voilà. Bon, c'est la radio. Toi, tu es Pierre Aulas, toi. Oui. Bien, bonjour Pierre. Nous, c'est la radio, donc je te disais, on est en direct ce matin et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros. Oui. Il faut répondre à une question, Pierre. Je vais te demander, et je le sens bien là. Ouais, moi aussi. Je vais te demander quelle est ta radio préférée. Si tu as la bonne réponse, Pierre, tu repars avec 1500 euros. Et moi, je m'en coupe une. Tu es négatif, Romano. Ah bah attends, on va voir. Alors Pierre, il manquerait plus qu'il réponde bon, là je serais plein dans la merde. Quelle est ta radio préférée, Pierrot? RTL.

France. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Les experts Las Vegas, c'est fini. Dernière soirée hier sur TF1. Bonjour. Bonjour, je t'ai reconnu, toi. Je m'appelle Gil Grissom. Salut Gil. Salut Gil. Gil Grissom. Ouais. Alors Gil Grissom, attention, chef et tout. Hein. Gil Grissom, je suis le chef de l'équipe de nuit. C'est vrai, chef de l'équipe de nuit. De l'équipe de nuit des experts. Et donc ce matin, c'est bien passé il y a une heure. Hein. On a eu le fiston et Philippe, là. Philippe et le fiston. Ouais, c'était très bien. Un très bon contact avec Grissom. On va voir si ça se passe aussi bien avec Patrick. Allons-y, c'est le réveil de Star. Une star qui réveille les familles tous les matins. Ouais. Allez, Grissom. Allez, on y va. C'est parti. Allez, Gil. Allô. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Je m'appelle Gil Grissom. Gil Grissom. Voilà. Gil Grissom de la police scientifique de Las Vegas. Police scientifique de Las Vegas, ouais. T'es un comique, toi? Je viens vous faire une pédicure. Ben, viens me faire une pédicure, ouais, viens. Ça ne va pas? Mais qu'est-ce que tu me casses les couilles, là? Je vous demanderai de quitter votre veste et de retrousser vos manches. Oui. Ouais, ben oui. Pour prélever un demi-litre de votre sang. Ben viens jouer, tu veux me prendre du sang, qu'est-ce que... Non, mais t'es complètement taré, toi, t'es débile ou quoi? Ben, c'est la coutume. C'est la coutume, ouais. Ouais, ben viens, tu vois, ma coutume à moi, ce que ça va être. J'ai une commission rogatoire. Ah, tu me fais rire. T'es... Pauvre imbécile! Moi, je suis un pauvre imbécile, ouais. Et puis toi, t'es un pauvre débile, donc... Ça tombe bien. Vous avez un conseil à me donner? Ben viens, je vais t'en donner, oui. C'est sûr que si tu viens me voir, je vais t'en donner des conseils, tu vas voir. Ouais. On se retrouve dans de sales draps. C'est toi qui vas te retrouver en sales draps. Ouais. Non. Mais viens, garçon. Si t'as des couilles, tu viens. Mais t'en as pas. Mon instinct d'araignée me dit que non. Ah ben viens, connard, pourquoi tu m'emmerdes? Respirer par les oreilles, c'est plus confortable. Oui, tu... Va te faire enculer. Il monte en pression là. Respire par les oreilles. Suis les conseils de Grissom. Faut respirer par les oreilles. Ouais, ça fait du bien. Et on aura appris que Grissom n'avait pas de couilles. Alors là, c'est vraiment la plus mauvaise nouvelle de ce morning. Ah, c'est clair. Ça. Tristesse. Pas de coucouilles pour Grissom. Oh. Merci à Patrick qui était moins sympa que l'autre. Ouais. Mais qui était cool quand même. Moi, je l'ai bien aimé, Patrick. Moi aussi. Patrick et Gil Grissom, c'était sur Skyrock. Il est 8h20. On écoute vite parce que je l'avais promis. Le son de Rihanna, c'est Rom Pop Pop Pom. Ouais. Et puis, juste après le Rom Pop Pop Pom de Rihanna, on vous offre l'iPhone 7.7 de Apple. Ouais. Il est à gagner sur Skyrock tous les matins et on va jouer à l'invité mystère, un invité mystère à découvrir. Après Riri sur Skyrock. Behind bars, what started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry, 'cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son, and I took his heart with him. I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, mama, I just shut a man down.

Cette année, vous allez adorer la rentrée chez Marionneau. Profitez d'une remise exceptionnelle de 25% sur tous les parfums de grandes marques en magasin et sur marionneau.com. Pas une minute à perdre, c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Offres et conditions sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. La Redoute Intérieure présente... Pour vous, les rabat-joies. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée. Pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40 euros tous les 100 euros d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40 euros tous les 100 euros d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Eh ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin, la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois. Détails sur SFR.fr. Leclerc. Chérie, la nouvelle PS4 de Sony sort le 16 septembre. Et dès le 16 septembre, la nouvelle PS4 de Sony est chez Leclerc. Et c'est bien ça. Mais enfin, je te parle de la sortie nationale de la nouvelle console de jeu Sony. Le 16 septembre chez Leclerc. C'est parce que le meilleur du jeu vidéo est chez Leclerc qu'à partir du 16 septembre, la nouvelle console PS4 500Go de Sony débarque chez Leclerc au prix de 299€, dont 12 centimes d'éco-participation. Voir modalité dans les magasins participants et sur le site culture.leclerc. Dès le 16 septembre, tous chez Leclerc. Allez, 8h30, c'est l'heure de retrouver notre invité mystère ce matin. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Et on va retrouver une auditrice de Skyrock, un auditeur. Oui, un auditeur bien pratique pour s'habiller puisqu'il s'appelle Jean. Ah, bien. Ouais. Bonjour, salut, Jean. Salut, Default. Salut, Jean. Salut, Romano. Salut, Jean. Ouais, Jean. Comment, salut, ça, Jean. Comment ça va, Jean, ce matin? Bah, très bien aujourd'hui, ouais. Très bien. T'as mis quoi en bas? Un jean. Le pire, c'est que c'est vrai, en plus. Oui. Alors, t'as 28 ans et t'es à Toulouse, toi, Jean. C'est ça. Il fait quel temps à Toulouse ce matin? Parce que nous, on a un temps de merde. Mieux, quand même. Eh ben, à Paris, pareil, même chose. Alors, on va jouer ensemble. La réponse était très, très, très difficile à trouver. J'ai pas Je sais pas comment vous avez fait, mais alors, les messages continuent de défiler. Vous avez tous la bonne réponse. Un truc de ouf. Écoutez bien notre invité mystère qui essaye de parler portugais. Rissois de Leitao. Leitao de Beirada. D'Aberada. Bacalao. Abraço. Bacalao. Abreuva qui dit bacalao parce que je savais même pas qu'il parlait portugais au début. Alors, qui est-ce donc? Alors, qui c'est? Du coup, comme tu l'as si bien dit, c'est Philippe Estebèche. Comment ça, je l'ai dit? J'ai dit Philippe Estebèche. Oh, on l'a pas entendu, nous. Philippe Estebèche de Cauchemar en cuisine. Et à l'hôtel aussi. Et tu as gagné ce matin, Jean, ton iPhone 7. Bravo. Ah, et voilà, un de plus. Nickel. Un iPhone 7 qu'on va t'envoyer à Toulouse, Jean. Félicitations. Ouais, trop content. Bien joué. Merci. Eh ben, merci à toi. Tu fais quoi dans la vie, Jean? Je t'ai pas demandé. Chauffeur poids lourd. Et ça chauffe des poids lourds. Ben, c'est très c'est bien. Ça, on salue tous les chauffeurs, les livreurs, tous ceux qui bossent avec des caisses et qui nous écoutent tous les matins. Bisous. C'est pareil, du foule. Oui. Petite dédicace vite fait de la société Thomas et Danizan sur Toulouse. Eh bien, donc, on salue la société Thomas et Danizan. Eh ben salut tous les collègues. Ah ben big up les routiers. Salut Jean. Ciao. Ciao Jean. Ciao. Et donc Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine avec la meuf qui c'est Monica dont je vous parlais il y a un instant. La meuf qui sort le plus de gros mots en un minimum de temps. Elle est très très forte. Bon, elle a un problème dans son restaurant. C'est quoi, elle est dégueulasse? Elle fait des pizzas. Oui, d'habitude, tu sais. Hein. Et donc voici Monica, on voulait vous la présenter absolument ce matin. Comment vous pouvez avoir une putain de pâte comme ça, putain de merde, un mercredi, putain. Mais je vous ai déjà dit, jetez-moi la pâte, merde. Faites-moi des pâtes comme il faut, ça vous embrouille tous les services, une pâte qui est pas bonne, putain. On fait du pain, j'en sais rien, on donne au boulanger, putain, j'en sais rien. Ouais, putain, merde. Là, 14 secondes, 5 putains. Plus. Combien toi? 7. 7 putains. Ah, elle est très forte. Et il y a des merdes aussi. Ah, toutes les 2 secondes sans compter les merdes. Et c'est pas fini. Putain, la pâte, elle a un trou, putain. Faut pas l'étaler autant quand elle est pas bonne, la pâte, merde. On va tomber en panne de pâte à pizza, putain. putain. Putain, tu bosses avec elle, t'as besoin de Doliprane. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ah, tu te tapes une boîte de Doliprane par jour. Allez, sortez-moi, le four il est plein, mais pourquoi vous avez pas amené les deux fours comme ça nous emmerde, merde alors. Ça nous emmerde, merde. Même le plus expert, il va pas arriver à travailler une pâte comme ça. Mais moi, je vais vous faire jeter la pizza à la gueule. Ah, maintenant, elle veut jeter la pizza à la gueule. Carrément. En effet, c'est sympa d'aller chez elle. Il y a des problèmes dans sa pizzeria, parce que si elle jette les pizzas à la gueule des gens, forcément, il n'y a pas trop de monde. La pizza, dans ta gueule. Allez, moi, je peux donner un conseil comme Finik Estebech. Par contre, elle ne dit pas d'insultes en portugais, c'est dommage. Merde, foder. Si, petite insulte portugaise. On salue tous nos amis portugais qui nous écoutent. Ouais, viva Portugal. Et vous étiez bien représentés hier à la télé. Grâce à Philippe Estebech, on a découvert cette Monica. Elle est super. Et je salue surtout les clients et surtout aussi ceux qui bossent avec Monica. Ouais. Bon courage à vous. Hein. Bon courage pour cette journée de travail. Putain de merde, il fait ses infos l'autre. Les infos, putain de merde de Rémi là. Oh là là. C'est parti. Les infos. Et dans un instant, Romano, les conseils pas chers, c'est moi qui m'en occupe. Ah ouais? Oui, parce que j'ai une idée pour toi. C'est quoi ce vol? Non, j'ai une idée pour toi. C'est rapport à des problèmes que t'as et je vais essayer de résoudre un de tes problèmes. Ouais. Tu vas voir, c'est super. Ouais. Mais avant ça, Rémi, les infos, c'est parti. Avec de la pluie aujourd'hui à l'ouest, sur le centre, le bassin parisien, des averses aussi dans le sud-est, dans le sud-ouest également. Bref, des averses presque partout, mais ça va un petit peu s'améliorer cet après-midi avec alternance de nuages et d'éclaircies quasiment pour tout le monde. Hein. Mais voilà, quand même, c'est quand même pas terrible par rapport à hier. Les températures en baisse aujourd'hui entre 9 et 20 degrés pour ce début de journée. 7 à 25 dans l'après-midi, 22 en région parisienne, 28 dans les Hauts-de-France. Et puis, la pollution, c'est plutôt bon. Les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Lille, Nice et Perpignan. Et les infos, tout de suite. Les infos et le sport, c'est sur Skyrock à 8h35. Et il ne lâche rien. La reprise aujourd'hui du mouvement anti-loi travail. 14e mobilisation à l'appel des syndicats, bien que la loi soit désormais adoptée et même promulguée. Eux-mêmes avouent que le mouvement sera certainement très peu suivi. Lors de la dernière journée, début juillet, seulement 30 000 personnes avaient fait le déplacement. Le cortège parisien partira à 14h, place de la Bastille. Prudence aussi si vous devez prendre l'avion aujourd'hui. 15% des vols annulés à Roissy, Orly et Beauvais. Le patron du Cuba Libre et son frère mis en examen pour homicide involontaire. C'est dans leur établissement à Rouen que sont mortes 14 personnes dans un dramatique incendie. C'était le 6 août dernier. La question de la sécurité reste la priorité des enquêteurs. Toutes les obligations n'auraient pas été respectées. Les deux hommes ont été laissés libres, placés sous contrôle judiciaire. Encore une victime de la guerre des cités à Corbeil-Essonne en région parisienne. Cela fait plusieurs années que deux quartiers se rendent coup pour coup, malgré les actions des associations et des pouvoirs publics. Un jeune homme de 19 ans a été atteint hier d'une balle en pleine tête. Il est en état de mort cérébrale. 3 ans de prison ferme requis contre Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre du budget, est jugé à Paris pour fraude fiscale. Le procureur n'a pas mâché ses mots. Il parle du procès de la trahison ou encore d'un vol de la nation. C'est désormais l'avocat de Jérôme Cahuzac qui doit plaider aujourd'hui pour ce dernier jour de jugement. Le verdict sera ensuite mis en délibéré. Et on parle sport avec la Champions League. C'est la Champions League. Ouais. Et la Ligue Europa aussi qui redémarre ce soir. Et Lyon qui a largement dominé le Dynamo Zagreb, 3-0, but de Tolisso, Ferry et Cornet, succès presque inespéré pour Monaco qui a vaincu Tottenham sur ses terres à Wembley, score 2-1, but signé Silva et Lema. Les Lyonnais, les hommes du Rocher sont premiers de leur groupe. Match nul entre la Juve et Séville 0-0, victoire du Real et victoire aussi de Manchester City. La première journée ce soir de la Ligue Europa, les Verts de Saint-Etienne se déplacent sur la pelouse du FSV Mayence 0-5 à 19h et puis Nice reçoit Schalke 0-4 à 21h05. On suivra tout ça dans la Radio Libre. Allez les Aiglons aussi. Et merci Rémi pour les infos. Il est 8h37. Ah, j'ai mon cadeau pour toi. Maintenant, ça va te faire plaisir. Ouais. Un truc qui te met mal, mais on peut te comprendre. C'est quoi? Devine. Non, je ne dirai pas. Je ne dirai rien. Non, je ne dirai rien. Comme Black M, les cheveux. Ouais, les cheveux. Les cheveux, c'est triste. Ah non, mais je ne fais pas un conseil de machin sur les cheveux. Mais si, tu vas voir, tu vas pouvoir gagner plein d'argent. C'est un business, un filon qui rapporte. Ah ouais? Oui, c'est moi qui m'occupe des conseils pas chers. Je vais donner mon conseil pas cher à Romano et dans un instant, il va le faire. Tu vas voir, c'est génial. Ouais, sans doute. Ouais. Si, un truc pour vos amis chauves. Si vous avez des amis chauves dans la famille, si vous-même, alors là vraiment, je compatis toutes mes condoléances à vos cheveux. Si vous-même vous êtes chauve, écoutez bien Skyrock, vous allez tout savoir tout de suite. Ah ouais. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Cariole, tu aimerais être chauve? Franchement? Oui, franchement. Dis-moi franchement, on se dit tout sur Skyrock? On se dit tout. Non. Moi non plus. J'aimerais pas être chauve. Ça file un coup de vieux. J'ai un ami personnel qui est chauve. Il est gentil, il est tout petit. Ouais. Il fait plus vieux que son âge, mais depuis toujours. Oui, il fait plus vieux que son âge. Il a plus de cheveux, t'imagines? Ouais, on dirait un papy. Ta gueule, toi. Attends. Ah bah tiens, il est là. Romano, dis donc. Alors, oui, un conseil pour les chauves. De toute façon, je refuse. Mais si, tu vas voir. Je vais vous donner. D'ailleurs, attention, une statistique hallucinante. 75% des gens sont confrontés à la perte de cheveux. Ah ouais. en France, 75%. T'es majoritaire, Romain. On est minoritaire, nous, avec nos pleins de cheveux carrioles. Ouais. Non, mais de toute façon, bah, ça veut dire que dans l'équipe, déjà, il y aura forcément quelqu'un d'autre qui sera chauve. Rémi. Non, moi, je mise bien. Là, moi ce matin, il y a Karim Dussoir qui est avec nous. Moi, je mise bien sur lui parce que ça commence à non, se creuser. Non, mais non. Ah, franchement, devant, ça commence à creuser, voilà. Gros. Hein. Ah ouais, ça creuse, hein, c'est vrai. Hein. Il y a Sam, oh, il y a Sam, lui, il a plein de cheveux. Comme il a des cheveux, Sam, des réseaux sociaux. Il y en a plein, ouais, mais ils sont gras. Oui, ils sont gras. Ils sont gras, t'es malade. Et tu vas me dire, Cédric, moi. C'est normal qu'à 14 ans, dès qu'il ait plein de cheveux aussi. À 15 ans, j'ai 14 ans. Bah, il faut se laver les cheveux aussi. Alors, non, mais je vais vous donner un truc très sérieux, c'est les aliments qu'il faut consommer ou se mettre sur la tête. Ouais, bien sûr. Si, pour ne pas perdre ses cheveux. Allez, une choucroute. Non, vous allez voir des trucs super. Vous saurez tout dans un instant. D'abord, on a les 1 500 € à vous offrir. Et Romano, tu vas vendre tous ces aliments à des gens qu'on va appeler qui sont chauves. Mais moi, c'est pas ce que j'avais prévu. Hein. Mais tu feras demain de conseils pas chers prévus. C'est une surprise qu'on voulait te faire. Ah bah super. Que pour toi, un cadeau. On t'aime tellement. Ça te fait tellement de peine d'être chauve et à nous aussi. Ouais. Et ben qu'on va acheter-moi une moumoute. Ouais, une matinée qui était presque consacrée, en tout cas jusqu'à la fin de ce morning. Puisque tout à l'heure, on aura la compile du jour. Ça concerne les radins. Ouais, non, mais vas-y. Spécial pour toi. Ta fête. Ouais, et à 8h39, un chèque de 1 500 €, c'est parti. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning show. Et il y a Virginie qui nous dit, mais hey Romano, si tu es complexé, ils font de très belles moumoutes maintenant. Ah mais tu sais que je m'étais renseigné. Hein. Ah il s'est renseigné en plus. Mais sinon je voulais faire comme Jean-Michel Maire, n'en touche pas à mon poste, à m'en faire replanter là. Ou sinon, Afida, vous savez Afida Turner, on en parlait tout à l'heure. Afida Turner se rase la et voilà, et elle te les donne. Ouais, non, mais t'es. Ah, bah là, t'as non, de quoi te faire au moins 3 perruques avec. Parce qu'hier, Afida Turner, l'ex du Loft, là, a montré sa moule à la télé. Ah, non, mais vous êtes dégoûtant. Sa moule, c'est pas nous, c'est elle. Moi, j'ai pas montré mon zizi à la télé. La moule, il y avait des algues dessus. Hein. Ah, ouais. Oh là là. N'importe quoi. Bon, allez, on y va. Mon beau-frère a une très belle calvitie. Et ma sœur commence à perdre ses cheveux. Mais comment tu peux dire que c'est beau? Eh ben écoute, merci la biche. Alors, pour les chauves, c'est dans un instant. Pour les 1 500 €, c'est tout de suite. On file dans le 44. On va à Nantes. Les Nantais, les Nantaises, c'est pour vous. Ça écoute Skyrock à fond à Nantes. J'espère que ça écoute Skyrock du côté de chez Johan Petit. Ah bah tiens. Ah bah tiens, ça continue. Demain, je vous donnerai les aliments qu'il faut manger si vous êtes tout petit. La soupe. Les aliments pour grandir. J'en ai mangé plein de soupes, hein, j'ai jamais grandi. Bah t'as dû en bouffer plus, dis donc. Hein. J'ai bouffé des chaudrons de soupe. Alors, chez Johan Petit, ça sonne. Quatrième sonnerie, c'est elle. Attention, ça va jusqu'à la cinquième. 1 500 € à Nantes. Vite, Johan. Ah. Allô? Ah, allô. Bonjour, Madame Petit. Oui. Bonjour, Madame Petite. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui. Madame. Bonjour. C'est la radio au téléphone, Madame Petit. La radio. Oui. La radio. On vous appelle pour vous offrir 1 500 € ce matin. Oula. Et en plus, je n'écoute même pas la radio, donc ça va être compliqué alors. Parce que j'allais vous demander quelle était votre radio préférée. La réponse, c'est quoi? C'est aucune. Ben, en général, je n'écoute pas la radio, mais ça m'arrive d'écouter Énergie et Nostalgie, mais bon, très rarement. Deux grands concurrents, ils se battent pour avoir les plus de 50. Désolée. Ouais. Et ben, nous, c'était Skyrock. Je suis désolée. C'est pas grave. Écoute, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois, maintenant, j'écouterai Skyrock. Ah, t'es bien, toi. Bon, là. T'es bien. T'es sympa, Madame Petit. Voilà, bonne journée à vous. Je suis vraiment désolée, vous me prenez comme ça au pied levé, mais je suis désolée. On est comme ça, tu sais. Ben, la prochaine fois, tu réponds Skyrock et tu gagnes 1 500 €. On t'embrasse. Exactement, en tout cas. Voilà. Bon, c'est tant pis pour moi. Et ben, à la prochaine. Salut à toi. Prochaine. Au revoir. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir, Madame Petit. C'est sympa, cette Madame Petit. Ben oui. Bon, Madame Petit qui n'a pas gagné 1 500 €, c'est bien dommage. Non, mais c'est bien, on l'a détournée, elle va nous écouter maintenant. C'est vrai, oui. Une auditrice de plus, encore une pour Skyrock, ça fait plaisir. Et c'est encore tombé ce matin, vous avez entendu Luc? Oui. Eh ben, écoutez bien, Luc a gagné tout à l'heure. Bon, tu sais qui est au téléphone, Luc? Oui, je crois que c'est qui, là. Je vais te donner un indice, on est en direct à la radio, Luc. Oui. Et on a 1 500 € à t'offrir. Ouais. Je te sens bien, Luc, toi, ce matin. Ouais, moi aussi, ouais. Je te sens bien. On va te poser une question, on va te demander quelle est ta radio préférée, Luc? C'est Skyrock. Et c'est gagné! Bravo! Et voilà. Aïe, inscrivez-vous au 720, envoyez 1 500, c'est pour augmenter vos chances de gagner. Sinon, attendez-nous, on arrive, vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock, Drake et One Dance. Vous avez entendu l'info qu'on vous a donnée sur Drake tout à l'heure. Drake ouais. avait des problèmes avec ses voisins qui se plaignaient parce que Drake fait du bruit, il écoute de la musique très fort. Trop comme de donc. Bruit, ouais. Trop de bruit. Bon, il a trouvé la solution. Il a racheté la maison des voisins, comme ça, les maisons d'à côté, elles sont à lui. Il n'y a plus de voisins. Voilà, plus de problème. 3 millions de dollars, il a dépensé. Ça va. 3 millions de dollars. Bah, t'imagines, va, Romano, ouais. hein. C'est peut-être ce que tu vas gagner grâce au conseil pas cher que je vais te présenter ce matin. Ouais, le conseil certain. Pas cher, anti-chute de cheveux. Si vous ne voulez pas perdre vos cheveux, voici ce qu'il faut faire. S'ils commencent à tomber, vos cheveux, voici ce qu'il faut faire. Bah, moi, c'est trop tard, moi, là. Et peut-être qu'avec mon idée, là, Romano, peut-être. Faire, non, mais ça va peut-être repousser. Ouais. Voici les aliments qu'il faut consommer ou qu'il faut mettre sur la tête si vous avez, une perte de cheveux. Vous allez tout savoir. Ah ben, allez. Romano n'a pas besoin de se coiffer le matin. Ça lui fait plus de temps pour arnaquer. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Eh oui, alors je vois que tu es impatient de savoir ce qu'il faut mettre sur ta tête. Non, mais. Alors, est-ce que tu aimes. Les noix et les graines. Ah non, tu sais, pas... comme les poules. Non, ça, j'aime pas trop, non. Alors, tu peux les écraser sur ta tête, ça peut marcher. Sinon, faut consommer des noix et des graines. Très bon pour les cheveux. C'est des vrais conseils hein, que je donne, c'est pas des conneries. Hein. Bah oui, bien sûr. Ouais. Alors, des épinards comme Popeye. Ah, j'adore ça, les épinards. Et ouais. puis en plus, tu sais que si tu les mets sur la tête, ça peut faire une petite chevelure. Ouais, verte. C'est pas mal, ouais. C'est sympa comme c'est petit. Bien, ça, ça, ouais. fait, c'est vert, ça fait. C'est bien, ça fait fashion, un peu énergie douce, tu vois. Ouais, ouais, ça fait un peu les... Secret Story. C'est ça, Secret Story, les cheveux verts. Donc vous mangez des épinards et ou alors vous les mettez sur la tête, vous écrasez sur le crâne et c'est très très bon pour les cheveux. Sinon quelque chose que tu adores, les huîtres. Mmh. Ah j'adore. Ouais, eh ben, écrase-toi des huîtres sur la gueule comme ça. Ah pam. Mangez des huîtres sur la coquille. Des huîtres coquille. Déchire le crâne. Et des moules aussi. Ah j'adore. Ah, ouais. Ah bah j'adore manger de la moule. Bah je sais que tu adores manger de la moule. Tu es un grand consommateur de moule. Ah ouais. Il adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des huiles en tout genre. Des, ouais, des de l'huile de vidange. Par exemple. Un petit verre tous les matins. Pas mal. Les algues. Bah tu vois les algues, pareil comme ah, les épinards. C'est bon, ça. Tu les mets, ça fait une espèce de coiffure un peu. Belle perruque. Un peu fashion. Et je termine. Je t'ai dit le miel. Non, pas encore. Ah bah, le miel, c'est pas mal. C'est bien, c'est pas collant sur la tête. Oui. C'est agréable. Et sinon, bah, je vais garder le meilleur pour la fin, des sardines. Ah. Tu bouffes des sardines. Génial, ah, qu'est-ce qu'on est serré. Tu te les écrases sur la tête. Donc, c'est attention sur Patrick Sébastien, c'est la folie. C'est des vrais, vrais, vrais conseils. Si vous avez une carence en vitamines qui fait perdre les cheveux, eh bien, sachez qu'en consommant des sardines, du miel, des noix, des graines, des épinards, des huîtres, des moules. des huiles et des algues, eh ben vous avez moins de chances de perdre vos cheveux. Romano, nouveau régime, à midi tu vas manger des sardines au miel et tu boufferas également des huîtres aux huiles et aux épinards. Et aux épinards et voilà un peu d'algues dessus. Ouais, parfait, ouais. Et hop. Et non mais sérieux hein. La question que j'en fous de ça moi. Bah tu les vends aux gens et puis tu gagnes des sous. Ah, c'est bien. Ah, t'as vu ? Ah, il est content. Ah, il y a moyen de gagner du pognon, hein, c'est toujours intéressant. Non, parce que depuis 10 minutes, je m'occupe de toi et j'ai l'impression que ça te fait pas plaisir. Envoyez-moi du crâne d'œuf. Allez, envoyez-moi des chauves. C'est parti pour les conseils pas chers. Jean-Luc. Envoyez-moi du chevelu, quoi. Il habite à Chauve. Il habite à Chauve. Chauve. Ouais. Il y a une ville qui s'appelle. Pourquoi t'habites pas là-bas ? Mais je suis membre d'honneur de la ville. Ah, membre d'honneur de la ville de Chauve. Alors, on va chez Jean-Luc. Préparez-en un autre au cas où. Ouais. N'empêche que j'ai trouvé un nouveau produit pour faire repousser les poils, moi. C'est quoi ? C'est des épaississants pour les cils ou les sourcils. Oui. Et j'ai voulu en mettre sur la tête de Romano, il a pas voulu. Ça s'appelle du masala ou du masava, je sais plus. Les pieds doivent connaître. Tu veux pas du marsala ? Non, c'est très bon. Allô, le marsala. Allô ? Ouais. C'est qui ? Joël. Joël ? Oui. Ouais, bonjour, comment tu vas, toi ? Ça va ? Ça va, ça va, c'est le docteur à l'appareil. Docteur. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Parle-lui à son téléphone. Oui. Bon, dis voir, hey, là je t'ai vu dans la rue là. Mais t'es complètement chauve. Non, vends-lui un sonotone, on change de conseil pas cher. On change tout. Ouais. Je me rends compte que t'entends absolument rien. Non, mais le mec est sourd comme un pot. Heureusement qu'on l'a pas appelé pour les 1500 euros. Lui, il écoute pas la radio. C'est la non. galère, lui. Il écoute rien. Bon, vas-y, envoyez-moi quelqu'un d'autre. Tiens. Allô ? Calme-toi, man, ça arrive. Calme-toi, man, ça arrive. Bah, tu me dis, tiens, c'est qui ? Allô ? Allô, Loïc ? Voilà, très bien. Voilà, bah celle-là, elle était pas mal. Fais-en. Hey, tiens, c'est Gérard. Gérard le chauve. Non, faut d'abord que ça sonne. Et t'as été formé par Cédric, c'est non, pas possible. Non, mais gros. Alors, c'est qui qui t'appelle ? C'est Gérard. C'est Gérard. Donc, tu vas voir ton Gérard, Romano. Ah, il y a Yo-Yo qui a envoyé une photo. Allô ? Oui. Oui, comment vas-tu, Gérard ? Oui. Eh ben, c'est le docteur. Oui. À l'appareil. Dis voir, je t'ai croisé. Il te reste plus beaucoup de cheveux sur le caillou, dis donc. Bah oui. Ça tombe. Ah bah oui, ça tombe. Dis donc, comme la pluie. Un plouf. Je vais t'amener un panier en t-shirt de cheveux. D'accord. Avec des sardines, du miel, des épinards et des algues. D'accord. Tu te mets tout ça sur la tête, tu manges en même temps. Voilà, t'écrases, après tu peux les manger. Et après, t'as une coiffure, mais Michael Jackson à la grande époque. À Jackson 5. Ou Donald Trump. Aussi beau que Donald Trump. Voilà. Et le tout pour la modique somme. Combien, allez ? Écoute bien. Allez. 150 euros. Ça, c'est vraiment pas cher. Donné. Attends, des sardines, du miel, des épinards. Tu entends tout ce que tu vas manger ? Hein ? Ouais. Des huiles, des moules. T'aimes bien la moule, toi ? Ah, t'aimes ça bouffer de la moule. Ah, la bonne moule, hein. Avec de l'huile autour. Mmh. Ah, et quelques algues. Et puis quelques algues autour. Voilà, une moule qui sent la sardine. Comment il s'appelle ? C'est Gérard. Ah, Gérard. Ouais. Gérard. Eh bien, Gérard, 150 euros, on arrive. Ah, bah, tout de suite, GG. Comprends rien, lui non plus. Non, mais c'est bien, parce qu'au moins, tu peux l'arnaquer facile. C'est bien, le concept, c'est t'es chauve, tu comprends rien. Ouais, bah, c'est, oui, t'es chauve et sourd à la fois. Bon, bah, n'empêche que j'ai vu des chauves déjà, ils avaient plein de poils dans les oreilles. Ouais. Ouais, dans le nez. Ouais, ça me faisait de la peine pour eux, je me dis, mais pourquoi ils les mettent dans les oreilles et dans le nez ? Il faut les déplacer. Bah, déplacer, mais les sur la tête. Enfin, vous les laissez les pousser, hein, ou les. Enfin, un truc. Attention, dans un instant, notre compile du jour, et aujourd'hui, c'est une compile sur les sportifs radins. Ouais. Ouais, hier on a eu un sportif, il est pas radin parce qu'il nous a donné plein d'amour, il était avec nous dans l'émission, tu t'en rappelles, Romano, il est très gouant. Ouais, c'est Tony Yoka. Ouais. Champion olympique de boxe. Il est venu nous voir dans la radio libre hier, ça m'a fait super plaisir parce que c'était vraiment un des sportifs que j'aime bien, moi, lui. Avec sa chérie Estelle en plus. Ouais, ouais. Donc, lui, il est pas dans les sportifs les plus radins. La compile des sportifs radins, ils sont comme toi, Romano, et on va s'occuper d'eux. Pour les radins qui nous écoutent, bah, sachez que vous avez aussi chez les très très riches des mecs qui sont très très pinces. Ouais. Ouais, la compile du jour arrive tout de suite, et puis avant la compile du jour, votre horoscope de l'amour, ça c'est dans une minute. Et puis, qu'est-ce qu'on écoute ? Rihanna et Calvin Harris aussi, c'est bien. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma ? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de deux produits Makeup Forever, un mini rouge à lèvres artiste rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Makeup Forever, en exclusivité chez Sephora et Makeup Forever. Sephora, au cœur de la beauté. Grand volume intérieur, détecteur de fatigue, GPS. Oh, je l'adore. Et totalement connecté. Je crois que je vais vous la prendre. Ah ouais, en revanche, ça va pas être possible. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai vu le premier, en fait. Non, mais c'est... Là, c'est vous le vendeur, là. Oh, ça va. Difficile de résister. En septembre, la Polo All-Star suréquipée est à 140 euros par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport 2606 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Porte ouverte ce week-end, selon autorisation et réseau participant. Allez hop, horoscope, c'est parti. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Votre horoscope de l'amour avant nos sportifs radins du jour et notre compile du jour. La puissance amoureuse de tous les signes sur une échelle de 0 à 5. Le 0 du jour, il est pour les béliers et pour les taureaux. C'est votre sale caractère qui pourrait refaire surface aujourd'hui. Faites un petit effort de diplomatie, vous verrez, tout ira bien. Ouais. 1 sur 5, les scorpions et les gémeaux, vous aurez tendance à vous prendre la tête pour des conneries. Restez zen et tranquille. 2 sur 5, c'est pour les vierges et les sagittaires. Ne vous forcez pas, faites uniquement ce que vous sentez bien. Aujourd'hui. Moi, ça me va, moi. Ça te va très bien. Très bien. C'est le 2 du jour, c'est pour les 2 et les. Pour les vierges et les sagittaires. Le 3, c'est pour les verseaux et les poissons, c'est votre bonne humeur qui sera contagieuse aujourd'hui. Continuez comme ça. Très bon moyen pour séduire et pour faire plaisir. 4 sur 5, les magnifiques et très beaux et intelligents capricornes. Comme toi, dit Foul. Oui, en effet. Et les cancers. En couple, on saura trouver les mots qui iront droit au cœur de nos partenaires. Super. Et pour les célibataires, on arrivera à convaincre facilement. Bref, une très belle journée pour un très beau 4 Capricorne Cancer. Et pour finir, les balancés du lion, c'est vous qui grillez tout le monde aujourd'hui, c'est vous les meilleurs, vous brillez aujourd'hui. Hein. C'est votre charme qui fera mouche à pratiquement tous les coups. Balance, lion, 5 sur 5. Bien. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. She's looking at you. sur Skyrock. C'était bon, ça. C'était Rihanna, Rihanna et Calvin Harris avec This Is What You Came For. À 8h57, c'est l'heure de retrouver notre compile du jour. Et elle est pour toi, Romano. C'est une demi-heure que je t'ai consacrée ce matin. Ah, bah, c'est vraiment gentil. Que pour toi. Ouais, que pour toi. La compile des sportifs radins. Ouais. La compile du morning de Default sur Skyrock. Et ouais, on peut être très riche et très radin. Très, très, très riche, en fait. Ouais, d'ailleurs, on avait reçu Tony Parker dans l'émission. Il nous avait expliqué qu'il achetait jamais un vêtement parce qu'en fait, c'est tout payé par les sponsors. Bah, ça, oui. C'est pratique. Bah, bon, moi, je ferais comme lui. Je suis pas radin parce que moi, je suis quand même très généreux, quoi. Donc. Pourquoi extrêmement? C'est pas toi qui est resté combien? 3 mois sans frigo? Bah oui, parce que c'était l'hiver. C'était grave cher. Non, mais c'était l'hiver. Moi, je suis un écologiste. Ouais, ouais. C'était l'hiver et j'ai décidé de mettre tout sur mon balcon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça marche très bien. Très bien. Donc, Tony Parker, j'achète jamais de vêtements. Il y a LeBron James aussi qui est connu pour demander des rabais sur tout ce qu'il achète, lui. Ah, ouais, mais ça, bon, c'est normal, quoi. Mais ça, c'est une star, j'en demande aussi. Hein. Tu trouves ça normal, toi? Bah, il faut essayer, hein. Bon, tu vas me dire ce que tu penses des trois premiers de la compile des sportifs radins de ce matin. Numéro 3, il s'agit de Marseillais, c'est qui joue à l'OM, Florian Thauvin. Ouais. Florian Thauvin. Alors lui, il paye pas son loyer. Loyer en retard, vous savez combien il doit, son proprio? Non. 37 500 euros. Ah ouais, quand même. Florian, faut payer le proprio, là. Ouais, bah, de toute façon, s'il paye pas, au bout d'un moment, il va se faire foutre dehors. Hein. Ouais, mais enfin, bon, tu lui dois le respect, Romano, c'est quand même, comment dire, il fait partie de ton club. Hein. Ouais, non, mais c'est clair, mais c'est risqué quand même. Le club des grosses radasses. Florian Thauvin, bien joué, ami Marseillais. Numéro 2. Le numéro 2, c'est Lucas Moura. Tu sais qui c'est, Cariole, ouais, Lucas Moura? Pas. Ah, il joue au PSG. Quoi? C'est champion, mon frère. Champion, mon frère. Ah oui, la grosse touffe. Non, pas du tout. Ça, c'était David Luiz, il n'est plus au PSG. Donc, Lucas Moura, joueur du PSG. Ok. Lui, il est très fort, hein. Lui, très très fort. Il vend ses autographes sur le web. Ah ouais, pas mal. Bien sûr, c'est vrai. Et à combien il les vend, les autographes sur le web? Je sais pas, 10 euros. 10 euros. Non, bah, tu vois, Romano, lui aussi, il fait partie de ton club, le club des Radas, puisqu'il les vend 60 euros l'autographe. Oh la vache. Voilà. Ouais, il se fait pas chier. Hein. Un autographe sur le web à 60 euros. Lui, on peut vraiment lui dire bravo et on peut même lui champion, lancer mon frère. Le célèbre. Champion, mon frère! Champion Lucas Moura. Et on passe au numéro 1, on file aux États-Unis, Michael Jordan. 1 milliard de dollars de fortune, il a, lui. Ça va, ouais. 1 milliard de dollars. Lui, il a jamais laissé de sa vie un centime de pourboire au restaurant. Alors qu'aux États-Unis, tu le payes, tu donnes toujours un pourboire parce que... Ouais, c'est les chips. Les mecs qui sont payés comme ça s'appellent chips, ouais. Jamais un pourboire. Jamais rien. Et alors? Hein? Bah, c'est pas gentil quand t'es riche et que t'as 1 milliard de dollars. Bah, ça va, c'est pas parce que t'es riche que t'es obligé de distribuer ton pognon, hein. Bah, non, mais si, bon. Justement. Donc, qu'est-ce que tu penses? Oui, pour faire du bien, oui. Qu'est-ce que tu penses de Michael Jordan, Lucas Moura et Florian Thauvin? Bah, non, mais moi, je sais pas, rien ne me choque, je suis comme eux. Donc, tu leur dis bravo. Bravo. Bravo, les amis. Et... Bravo, bravo. Bienvenue au club des pinces. On peut être très riche et très pince. En effet, champion. 9h du matin, on va lancer la roulette, là. Oui, j'ai pas lancé la roulette. Non. Vous inscrivez au 7-20-20. Alors, roulette. 7-20-20, c'est bien. Vous pouvez envoyer 1500 pour être tiré au sort pour les 1500 euros. Ou alors, vous envoyez roulette. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant si vous voulez gagner Soprano. Au 7-20-20, vous envoyez roulette. Et dans un instant, vous vous retrouvez avec nous en direct et vous gagnez la tournée de Soprano. Vous choisissez les dates. Vous allez voir la tournée. Vous allez voir Soprano où vous voulez. C'est à vous de choisir. Il faut juste s'inscrire avant. 7-20-20, vous envoyez roulette et c'est gagné. Écoutez bien ce qui va se passer dans le morning demain matin. C'est la console la plus vendue au monde. Demain. Elle arrive, la PS4 Slim. Bon, de toute façon, moi, la technique habituelle, j'appuie sur tous les boutons en même temps. Toi aussi, tu la veux. Alors réveille-toi avec Skyrock et viens choper ta nouvelle PS4 Slim avec les jeux FIFA 17 et NBA 2K17 à 6h20, 7h20 et 8h20 dans le Morning de Default. Attends, nous, on marque à droite ou à gauche? À gauche. Le Morning de Default en mode PS4 Slim. PS4 Slim. Demain matin, entre 6h et 9h sur Skyrock. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva!

foutre. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et ouais, le morning tous les matins avec vous. Merci de vous réveiller sur Skyrock et merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller, à écouter les conseils pas chers de Romano. Le conseil pas cher que j'ai trouvé pour toi a eu beaucoup de succès, énormément de messages. Hein, ouais, non mais c'est bon. Si, je voudrais remercier Nico du 89, Amco également qui nous a laissé un message. On a Miss Stone qui est toujours là, qui est une fidèle. Les nouveaux auditeurs se déchaînent aussi. Bonjour à Calion, bonjour à Elias, bonjour à vous, t'as vu Romano. Le conseil pas cher sur les chauves de tout à l'heure était super. Ah mais un carton total. Si vous venez d'arriver, je lui ai conseillé de manger ou de s'écraser des sardines sur la tête, des épinards, des huiles, des moules, des huîtres également, des algues, tout ça, ça fait repousser les cheveux. Des noix, des graines, du miel. Tu vois, c'était bien utile ce matin. Bah je vais tester tout ça. Entre la vidéo d'Afida Turner, les conseils pas chers sur les cheveux, le réveil de star des experts avec Guissom. On a été gâtés ce matin. Et les 1 500 € qui sont tombés. Et également pour vous, des places de concert à gagner. Vous gagnez vos places de concert toute la journée dans la radio libre. Dans la radio libre aussi, mais non, toute la journée sur la radio la plus libre, oui, Skyrock. Avec toute l'équipe, ça tombe du morning jusqu'à la radio libre. Justement, Soprano, vous allez le voir partout en concert dans toute la France. C'est une grosse tournée, hein. Je vais pas vous donner les dates parce qu'il y en a plein. Mais vous pouvez gagner ça partout. On a qui au téléphone? C'est Momo. Salut Momo. Momo. Ah oui, mets-le à l'antenne. Momo. Hop là. Oui, je vous écoute. Ah, bonjour Momo. T'es là Momo, sauvé. Ah, je suis même obligé de faire le standard moi le matin. C'est un truc de fou, hein. Comment ça va? Ça va bien. Oh, mais tu viens du sud toi Momo, t'es d'où? Je suis de Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, on salue tout le monde à Aix-en-Provence. Eh bien, bienvenue à toi. Tu fais quoi, Momo, dans la vie? Je suis agent de sécurité, je viens juste de finir le travail. Je vous ai écouté toute la nuit. Ah, c'est bien, toi, en fait, ouais, toi, donc en fait, le morning, toi, c'est la dernière émission que t'écoutes de la journée. C'est ça, là, je vais dormir. Bon, reste un peu avec Fred, tu vois, ça va être super. Mais avant ça, la roulette qui tourne. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. Oui, 200 places de concert à gagner, il y en a peut-être deux pour toi maintenant. Et espère. Si tu gagnes, on t'envoie au Vélodrome voir le concert de Soprano. C'est un des événements de l'année prochaine, un événement Skyrock, évidemment. Ouais. Ah, très bien. Et ouais, il sera au Vélodrome. Soprano. Allez. Stop. Est-ce qu'on t'envoie au Vélodrome voir Soprano? Eh bien, je te l'annonce officiellement sur Skyrock. Sur Skyrock, c'est Skyrock la radio. Hein. Ouais, Skyrock, c'est ça le nom. Le Vélodrome sera en feu. Tu gagnes tes deux places, Momo. Bien joué. Bravo, Momo. Bravo. Bravo. Ben, merci beaucoup, l'équipe. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Tu vas ramener qui avec toi, Momo? Je vais ramener mon petit frère. Hein. Eh ben voilà, en famille, c'est bien. Eh ben Soprano, au Vélodrome avec toi, et peut-être avec vous aussi, d'autres places à gagner. Et il n'y a pas que le Vélodrome à gagner, vous choisissez le concert, vous allez le voir. Oui, la ville, vous allez le voir, c'est pour vous. On a toutes les villes. Bravo Momo, on t'embrasse. Merci, bonne journée. Bonne journée, oui. Non mais tu vas te coucher, je te comprends. Bonne nuit, toi. Bonne nuit, Momo. Bonne nuit, Momo. Hein. Merci, bonne nuit, merci. Salut, ciao, Momo. Ciao. Et à 9h11, c'est l'heure du zap du morning. Ça s'est passé ce matin. Et ouais, ça s'est passé ce matin. Ouais. Ça s'est passé ce matin. Et ouais, ça s'est passé ce matin. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Afida Turner n'avait pas mis de culotte. Oh. Non, non. Elle avait mis une mini jupe. Et ras la touffe. Et oui, ras la touffe. Ras la salle de jeu, comme on dit. Une grosse touffe, par contre. Ah ouais. Et à ce moment-là, Afida voit la caméra en face d'elle et se met à écarter les cuisses. Ouais. Mais avec une classe absolue. Hein, bien sûr. Écarter les cuisses. Ça, comme genre, limite, la meuf, elle faisait un grand écart sur le bureau. Voilà. Et donc, tout le monde a vu sa schneck. Sa vulve. Oui, la vulve d'Afida Turner. Ouais, non, la vulve, tu la vois pas parce qu'il y a tellement de poils devant. Oui, c'est un ticket, ça va. C'est la grande classe. C'est pas un ticket de métro qu'elle a, c'est un ticket de TGV. Oui, c'est ça. Oui, sommes des experts qui réveillent la femme de... Non, qui réveillent la famille même de Philippe ce matin. C'est parti. Philippe et la famille qui vont être mis en lien avec... Bonjour. Ça y est. Bonjour. C'est parti. Ça va? Et toi? Ouais. Qui c'est? Je te reconnais pas ta voix. Je m'appelle Gil Grissom. Gil Grissom. Non, mais Gil, ça ne dit rien du tout. Gil Grissom, je suis le chef de l'équipe de nuit. Connais pas. Je viens vous faire une pédicure. Une pédicure? Il va me couper mon pied? Voilà. Ouais. Non, c'est pas moi. Hein. Je vous demanderai de quitter votre veste et de retrousser vos manches. Ah bah là, je suis tout nu, je peux pas enlever ma veste. Pour prélever un demi-litre de votre sang. Bon, d'accord. Tu prendras du sperme en même temps, comme ça me dégagera. J'adore mon travail. Eh ben, le problème qu'il y a, c'est qu'a priori, vous êtes passé trop près de ma voiture et vous m'avez pété mon rétroviseur. Oui, mais où? Bah en ville. Ah bah j'ai jamais été en ville. Ah il y a bah ça jours. C'est facile hein, monsieur. Moi je vais vous dire, vous allez le payer de rétroviseur. Eh ben on va à la gendarmerie tout de suite et puis c'est tout. Ah bah non, je vais venir te voir et puis tu vas me donner des. Eh ben tu fermes ta gueule, je te dis on va à la gendarmerie. Alors par contre. Alors on va prendre un rétro, un pare-choc, tu vas au magasin, t'achètes et puis tu m'amènes la facture. Ah tu vas me donner 500 balles et puis ça fera bien. Ouais, eh ben je t'ai dit amène la facture, moi je passerai ça en charge. 500 balles. Et hop là, c'est bien. Bravo Romano, bravo, ouais. Bravo. On va te poser une question, Nadège. Je vais te demander quelle est ta radio préférée. Et si t'as la bonne réponse, au joie, au bonheur, tu gagnes 1500 euros. C'est hip-hop Skyrock ou je sais pas quoi là. Skyrock, mais dites donc, c'est pas mal ça, dites donc hip-hop Skyrock. Bon, bien t'as joué. Rajouté des mots, mais. Non, non, mais oh, t'as dit Skyrock. Bah oui. On accepte la réponse. Bah allez, c'est oui. Accepté. T'as gagné bravo. 1500 euros, Nadège. Bravo, bravo. Bravo. Bon, tu sais qui est au téléphone, Luc ? Oui, je crois que c'est qui, là ? Je vais te donner un indice, on est en direct à la radio, Luc. Oui. Et on a 1500 euros à t'offrir. Ouais. Je te sens bien, Luc, toi, ce matin. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, je te sens bien. On va te poser une question, on va te demander quelle est ta radio préférée, Luc ? C'est Skyrock. Et c'est gagné ! Bravo ! Et voilà. Aïe, bravo Luc de Châtillon dans le 92 et Nadège qui a suivi les conseils de sa fille. Bien joué. On fait un gros bisou à Clémence, la fille de Nadège d'ailleurs. Ouais, hip-hop Skyrock. Ouais. Et voilà, du hip-hop sur Skyrock. Et Fredo qui arrive tout de suite. T'es là Fredo ? Je suis là. Ah, magnifique. Salut. T'as pratiquement en forme. T'as fait un footing ? Non, j'ai chopé la crève. À toi aussi. C'est la clim, les changements de trucs. Bienvenue au club. Ouais. Bienvenue au club. Fredo, c'est parti pour toute cette matinée jusqu'à midi. T'es avec nous. Hein. Ouais, on va se remettre en pleine forme. Avec le de Skyrock à écouter, restez bien dans le coin, les exclus Sky, les nouveautés Skyrock, les grands classiques aussi à retrouver jusqu'à midi. Et puis nous on vous donne rendez-vous ce soir entre 21h et minuit. On suivra le match de Nice, on aura le résultat du match de Saint-Etienne. Mm-hmm. Et puis surtout on fait les cons ensemble entre 21h et minuit. On est jeudi. Ah bah il y a le problème du mois. Et il y aura le problème du mois, c'est vrai. C'est un grand jour. Et vous aurez droit à votre problème du mois. Le rendez-vous incontournable. Oui, je sais que du jeudi. Moi j'adore ça. Ouais, moi aussi. Oui, Fred est mon premier fan. Mais je me suis reconnu dans certains problèmes. Enfin, ouais, trucs. Sais, c'est les gens qui sont sur le net. Ils ont des soucis, Romano va ils ont des sacrés soucis. Hein. Et nous, on va les aider. On s'en occupe ce soir, 21h minuit. Et demain, n'oubliez pas, entre 6h et 9h, on fête l'arrivée de la PS4. Vous gagnez vos PS4 demain matin. La PS4 Slim. Ouais, la Slim qui sort demain avant l'arrivée de la Pro en novembre. Ouais. La Slim, elle est pour vous. Soyez là entre 6h et 9h. La matinée spéciale avec en plus FIFA 17 à gagner 15 jours avant son sortie. Et NBA 2K17 à gagner aussi une semaine avant sa sortie. Tout ça, c'est pour vous. C'est dans le morning spécial de demain. Bonne journée. Merci. Fredo, on te laisse la main. J'y vais, c'est parti avec le son de Lil Wayne. Allez, on vous embrasse Sucker tous. For Pain. Et on vous donne rendez-vous tout à l'heure, 21h et demain matin entre 6 et 9. Ciao. Ciao. Et restez demain. Bien sur Skyrock. Ciao. Ciao, ciao à toutes. À tout à l'heure. C'est parti pour le son de Skyrock à 9h15. C'est jeudi, ce qui veut dire la bonne nouvelle, c'est qu'on approche tranquillement du week-end avec le son de Skyrock. Passez une bonne matinée, un bon jeudi à vous tous. La roulette, elle tournera encore tout à l'heure, hein, il y a quelques minutes. L'un ou l'une d'entre vous est reparti avec vos places pour la tournée de Sopra, en l'occurrence. C'était un Marseillais il y a quelques minutes. Ce sera peut-être pour vous la prochaine fois. Vous envoyez roulette au 720, on fera tourner, c'est clair, avant midi. Et le son tout de suite sur Skyrock, c'est Lil Wayne, avec aussi Wiz Khalifa sur ce morceau, Sucker for Pain. I talk to you, take my hand through the flames. I talk to you, I'm a slave to your game. Sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg. 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I talk to you. Take my hand through the flame. I talk to you. I'm a slave. Been at it